voilà sur quoi dansent nos amis européens en ce moment. Ça reste une nouvelle fois depuis quasiment 3 mois maintenant le titre le plus joué dans le Club d'Europe. Numéro 1 dans 7 pays. Encore une fois, Daft Punk, Get Lucky. Numéro 2, Calvin Harris. 3 Major Lazer. 4e, David Guetta pour le Play Hard. 5e, Armin Van Buren. Et on avait deux entrées cette semaine. L'entrée du nouveau David Guetta qui s'appelle Ain't a Party sur son label Jack Back Records. Et également Capital City qui est rentré 25e cette semaine avec le Safe and Sound. Prochain classement, évidemment. Mais oui, il est bon. Hey, il est pas 20h. Oh, ça va. T'as pas le droit. Il est 20h. Mais non, il faut partir, là, Vico, là, non? Il y avait minuit, l'heure du crime, 20h, l'heure de la libre antenne. Exactement, ouais. Voilà. Bon, bonne fin de week-end, Vico. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et puis, à bientôt dans ton studio, dans ton aquarium, là. Oh, ça va. Monsieur est désagréable. Non, pas du tout, au contraire. Et bon. Je vais penser à toi, je vais aller voir Momoche et Méchant de tout à l'heure. Ah, voilà. Cool. Bah, j'ai pas encore vu, figure-toi. Bon, bah, tu kiffes bien, alors. Hein. Bon, ouais. Bah, salut et l'Eurodance la semaine prochaine. À 18h, exactement. Ah, bah, voilà. Allez, bonne fin de week-end. Salut. Puis nous, c'est parti, là, jusqu'à 23h. C'est Mickaël No Limites. Sur Fun Radio, bah, pourquoi ça marche pas? Bah, voilà. Mickaël. Tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Eh ben oui, on est là sur Fun Radio et content de vous retrouver. Ah bah ça a été long le week-end là, sans vous là. Mickaël No Limites, on est là jusqu'à 23h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et puis bah, c'était surtout l'énormissime galère. Bah oui, c'était la grosse galère ce week-end là. Je sais pas si vous avez entendu. Il est où le son là? Bon, ah ben voilà. Sandro est passé, Sandro a foutu la merde. C'était le gros bordel ce week-end, justement. Voilà, on avait plus le son, ouais, c'est parfait. Alors on est au top là, la machine, il n'y a plus rien qui est configuré. J'avais tout fait avant, il a fallu que tu touches. Ben voilà. Hein. C'est dingue. Beaucoup de bouchons là, regarde. Un pic de 828 voilà. Km de bouchons cumulés, le plus grand chassé croisé de l'été a bien eu lieu. Voilà, bah ça commence bien, tiens, bah, 800 km de bouchons. Est-ce que vous étiez dedans justement dans les bouchons? Bah, venez nous en parler là. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Est-ce que vous avez passé votre week-end dans le cagnard? Et donc bah, forcément dans les bouchons hein, puisque avec tous ces bouchons là, je pense qu'il y a un moment c'est un peu la galère hein. Bon voilà, j'espère que vous avez quand même tous passé un bon week-end à l'écoute de Fun en faisant la fiesta. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous tout. 01 42 48 5000. Les anecdotes sympas à partager évidemment. Ça se passe aussi pour la Belgique au 02 851 4x0. D'ailleurs dans l'équipe là, est-ce que vous avez des petites anecdotes de ce week-end? Elle fait quelque chose de sympathique? Moi j'ai fait du repassage. Ah génial! Waouh! Oh là là! Vous imaginez que Sandro avait une vie de ouf et que vous dites oh putain, je veux être dans le mode Sandro et tout. Bah elle a fait quoi? Du repassage. Comme tout le monde. Hein. Bah voilà, Toff il a passé ses soirées avec des meufs, hein, j'imagine. Bah évidemment. Bah évidemment. Gros, enfin avec des non-meufs plutôt, ouais. Gros week-end puisqu'on était ensemble, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Mais en piscine. Mais il y avait des meufs. Ah, il y avait des meufs, c'est vrai, effectivement. Ouais. C'était pas terrible. Hein. Ah bah il faut aller voir. Ah bah il faut aller voir sur le Facebook. C'était des moches. Ah, c'était du boudin. Hein. Ah, si tu voulais du boudin, il y en avait. Allez voir sur le Facebook, il y avait Toff en mode lunettes rouges dégueulasses. Mais il était habillé avec comme un sac. Non, mais c'est couleur de peau extraordinaire. On est en plein été, il est déjà caché d'aspirine. Ça vous donne une idée de quoi il va ressembler au mois de janvier. Hein. Ah bah, je serais phosphorescent au mois de janvier. Complètement, ouais. Et puis Polo, passe un bon week-end aussi. Ouais, bah pas mal. J'ai beaucoup dormi. Je me suis tant mieux. J'ai rien fait d'extraordinaire. Bon, bah très bien. Bah dites-nous chez vous trop comment chaud, ça s'est passé justement. Chaud. Bah, moi, c'est en mode vendredi piscine. Avec Toff et puis aujourd'hui wakeboard tranquille quoi. Ça va, tu te la coules douce. Ouais, pépère, ouais, une petite planche comme ça, aucune chute, enfin bon, la folie c'est le seul, quoi. Je précise, c'est le seul sport où il est bon donc il se pavane avec trop ça à chaque mais fois. Vendredi, j'essaie le monoski. Ouais, voilà, donc c'est si juste t'es un nul, ski. On n'entendra pas parler. Ah bah si, non, mais je ferai des photos, des vidéos, ah rien. Bah oui, hein, bah si oui. Jamais je me vautre, vous inquiétez pas, je les mettrai. Je suis honnête. T'es drôle ce soir. Bon, j'en parle. Il est au coin, j'ai pas compris. Honnête. Qu'est-ce que c'est? Honnêteté, voilà. Bizarre dans ta bouche, ça sonne bizarre. Ouais, oh. C'est ça. Bon, d'ailleurs, je vais vous mettre en parlant de jeux d'eau, justement. Je vais vous mettre sur le Facebook dans quelques secondes la vidéo d'un toboggan de fou qui vous fait traverser un aquarium à requin. Ah, c'est juste énorme, une j'ai même folie. Pas dit, ouais. Ah, mais c'est un truc de ouf. Vous irez voir ça dans quelques instants sur le Facebook. Je vais la mettre là dans quelques instants. C'est juste impressionnant. Et dites-nous aussi si vous le feriez. Tiens, c'est un toboggan comme ça qui passe entre les requins. Moi, je le ferais direct parce qu'au final, tu sais que t'es dans un toboggan, quoi. En fait, ouais, t'es dans une bulle, quoi. C'est voilà. une bulle transparente, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Le seul truc, c'est que si jamais il y a une petite fissure, ouais, ça peut être des gros requins, effectivement. Ouais. Bon, bah, dites-nous aussi si vous avez déjà eu l'occasion de faire des trucs assez extrêmes en vacances ou ailleurs, hein, peu importe. Donc là aussi, vous nous appelez directement Sandro au standard. 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis, où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et alors, je vous ai aussi mis mon mignon sur Facebook, là. Quoi ouais, il y a des auditeurs, c'est Seb qui nous a dessiné en mignon, il a fait toute l'équipe et il m'a plutôt pas mal réussi. Le seul truc, j'en ai discuté avec les auditeurs sur le Facebook, c'est qu'il manque la barbe. Ah bah tu vois, j'ai une espèce un collier. Pas collier, mais un début de barbe. Enfin tu vois, c'est pas un collier, mais c'est un truc, voilà, il y a quelques poils quoi. Est-ce que je peux dire un truc? Vas-y. Depuis très longtemps cette barbe. Ouais, elle n'a pas été rasée depuis longtemps. Bah si, je la raccourcis quoi. Ouais, taillée, ouais, c'est ça. Bah depuis 2005 et je suis voilà, il manque ça sur le mignon. Mais bon voilà, donc dites-nous, allez voir ça facebook.com/michaelofficiel et puis dites-moi si vous voulez voir les autres membres de l'équipe là, je viens de les recevoir justement. Ouais. Donc voilà, merci à Seb. Alors il y a Sandro aussi. Alors Tof, on voit avec une gonzesse, c'est juste assez hallucinant. Donc voilà, dites-nous si vous voulez qu'on les mette tout à l'heure, il y a pas de problème. Et puis ce soir on va aussi se refaire le chéri, je peux te faire cocu. Celui de la semaine dernière là, celui de lundi dernier, dites-nous si vous voulez participer à celui de demain. Hein. Alors pour vous donner une idée, ça ressemble à ça le chéri, je peux te faire cocu. Là, t'es en train de me demander l'autorisation que tu me trompes. Ouais, en gros, c'est un petit peu ça. Oh, ouais. Je vais vous défoncer tous les deux. Calme-toi. Je te jure, mais arrête déjà, pas de mon cœur qui tient, moi, je te dis. Tu couches avec elle, on n'est plus ensemble, stop, maintenant, d'accord? Voilà, donc le principe, c'est simple, vous faites croire à votre copain ou votre copine que vous lui demandez l'autorisation de faire un écart, de coucher avec une autre meuf ou un autre mec, juste une fois et qu'il valide, quoi. Rien de grave. Au final, c'est ça, parce qu'au final, les gens disent, ouais, mais je peux pas te faire confiance, tu vois, tu m'as caché. Bah non, mais je te le demande, là, tu vois. C'est honnête. Voilà, là, c'est l'honnêteté même, justement. Je te le demande, voilà, exactement. Bon, 01 42 48 5000 si vous voulez participer pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis si vous voulez participer là aussi, mikael@funradio.fr pour vos inscriptions. Surtout, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a un message qui est arrivé d'Eric qui dit c'est le mignon Mikael. Exactement, ouais. Il est sur le Facebook et sur le Twitter et sur l'Instagram également. Il y a Angélique aussi qui dit salut l'équipe. Bah, salut à toi, Angélique. Jérémy qui dit heureusement que vous êtes là. Ma dernière lueur de bonheur cet été, j'ai besoin de vous pour me marrer un bon coup et alors Jérémy il a mis un PS. Cindy mon amour, désolé, je t'aime, toi tu as fait une connerie et qu'aujourd'hui évidemment tu t'en mords les doigts. Et bah écoute Jérémy, essaie de laisser ton numéro de téléphone, tiens, envoie-le moi sur mikael@funradio.fr pour qu'on puisse en parler justement. Et puis Didier qui dit t'es en live ce soir ou c'est un best-of? Oh non, on est en live, tu crois? D'ailleurs on est les seuls ce soir à être en direct, hein, donc profitez-en sur Fun. On est là, Mikael No Limit jusqu'à 23h. Et Denis aussi, quel plaisir de vous écouter en ce dimanche. Et bah c'est gentil, hein. Il y a aussi Nicolas qui est avec nous là ce soir. Bonsoir Nicolas, t'appelles pourquoi? Bonsoir Mikael. En gros voilà, je me suis fait exploiter par mon boss et en fait du coup au niveau de la gendarmerie ça me retombe dessus en fait. Ah toi aussi t'as ce problème? D'ailleurs justement ouais. Tiens, on va en parler. Nous on connaît bien ce problème. Bah ouais, je sais qu'il y a Jérôme le big boss de la radio qui écoute en ce moment. Donc bon, nous aussi on est exploité le dimanche. T'as vu, on n'est même pas payé double, y a rien quoi. C'est un scandale quoi. On est payé déjà. Ouais, quand même. Donc tu vois Nicolas, on a un peu le même problème. On va pouvoir t'aider justement à ce niveau là Donc tu restes avec nous Nico. Ok, ouais, y a pas de souci. Bon bah bouge pas de là, vous aussi d'ailleurs, hein, dites-nous si vous avez déjà bossé, vous êtes fait exploiter pendant les jobs d'été ou les jobs en temps normal, hein. 01 42 48 5000. On a Quentin qui est avec nous aussi. Salut Quentin, t'appelles pourquoi? Bonsoir. Donc voilà, moi écoute, j'ai un souci fait niveau sexuel. Quand je fais l'amour avec ma copine, pour que ça m'excite, en fait, il faut que je pense à quelque chose d'assez particulier. D'accord, très bien. Écoute, tu nous diras tout ça tout à l'heure, hein, Quentin. Il n'y a pas de problème, hein, tu restes avec nous aussi. Pas de soucis. Parfait, je pense que tu vas te faire pote avec Tof qui lui aussi a des soucis particuliers à ce niveau-là. Je n'ai aucun souci, je n'ai de bonnes idées. Oui, ça doit être ça. Et puis on a aussi Tyrone qui est avec nous. Salut Tyrone. Salut Mikael. Comment va? Salut. Ça va et vous? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal, hein, Tyrone, ouais. Là, tranquillement. T'appelles de Toulon, toi, dans le Var. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi dans un instant? T'appelles pourquoi, Tyrone? Bah moi, je me suis fait larguer par ma copine du jour au lendemain. Ouais, bravo, ça bravo. C'est bon, ça. Voilà, c'est pas mal. Juste avant les vacances, voilà. Elle était au top, ta copine. Bon, voilà, bah, très bien. Tu vas pouvoir te rattraper pendant les vacances. Mais c'est ça. Bon, ouais, bah, bouge pas, Tyrone. On va en parler dans un instant. Tu restes avec nous? Ça marche. Bon, bah, bouge pas de là, Tyrone. Et puis, évidemment, du son ce soir, là. Si vous voulez écouter des trucs en particulier, bah, venez nous en parler, nous les proposer, nous les demander. N'hésitez pas, ce que j'ai prévu. Bah, il y a du Stromae. Ah, Stromae avec Papa Outé qui est prévu ce soir. Alors, sinon, il y a aussi Florida et Pitbull. I can't believe it. Du très très lourd également, puisque forcément je vous cale aussi le son de David Guetta avec End of Party. Et en parlant de David Guetta, attention, cette semaine vous avez été au taquet la semaine dernière, donc cette semaine on a décidé de remettre le couvert. Là je vous offre à nouveau la possibilité d'aller faire la teuf avec les auditeurs de Fun. Direction Ibiza, tout frais payé, vous n'aurez rien à claquer. En plus de ça, ça, vous allez pouvoir rentrer gratos à l'énorme soirée qui est la Fuck Me I'm Famous. Donc si vous voulez gagner votre trip direction Ibiza avec la caméra numérique qui va avec, eh bien il faudra répondre à la colle de ce soir, et ça se passera évidemment tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien, et puis sinon j'aurai aussi le son de Maître Gims. Voilà, one shot. Si vous voulez entendre un de ces sons ou un autre, eh bien vous demandez, n'hésitez pas, vous faites péter le hashtag Mickaël ce soir là sur Twitter là, hashtag Mickaël, vous faites vos propositions et vous êtes évidemment les bienvenus. Tiens Tyrone, toi t'écouterais quoi là comme ça ce soir? T'as envie d'écouter un truc en particulier? Major Lazer. Major Lazer, bah si tu veux, ouais. Allez. Pas de problème, on se le mettra tout à l'heure, Major Lazer, avec plaisir Tyrone. Voilà, watch out for this, pour ceux qui connaissent pas. Bon, on l'écoutera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis Tyrone, donc toi tu nous avais appelé parce que justement donc tu as été jeté par ta meuf, t'es la malpropre, c'est bien ça? Bravo. Très bien résumé, effectivement, bravo. Félicitations Tyrone, t'étais avec elle depuis combien de temps? Ça faisait un an et deux mois. Un an et deux mois, et elle t'a viré comme une merde. Voilà, du jour au lendemain, et je sais pas vraiment pourquoi en fait. Ah bon? Mais attends, si, attends. Je suis sûr que tu sais pour toi au fond de toi. Non, enfin, elle me dit que... Mais je comprends pas, je lui ai fait des signes pendant 10 ans et elle m'a dit que ça allait pas, que ça allait pas, que ça allait pas, et puis je comprends pas, elle est partie. C'est ça? C'est ça, elle me dit que, enfin, elle sait pas si elle a des sentiments pour moi, que c'est elle qui est... Ah bah après un an et demi, c'est bien de s'en rendre compte quand même, hein, après un an et demi. Écoute, je sais pas finalement, tu vois, écoute, j'ai bien réfléchi, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oui, bah après un an et demi, il était temps, hein. C'est vrai, c'est abusé. C'est clair, ouais. Bon, et donc du coup, elle a simplement dit qu'elle savait pas si elle avait des sentiments pour toi. Voilà, elle sait pas en fait. Mais c'est ouf quand même. Enfin, après, j'aimerais savoir si elle m'a lâché pour un autre ou... Ah bah il y a des chances, hein. Je veux pas te casser le moral, Tyrone, mais effectivement, il y a des chances que ce soit dû à ça, ouais. Bon, après on verra bien, hein. Tiens, il y a Mathilde qui dit cette journée de merde se finit bien en vous écoutant. Ouais, Mathilde qui est tombée dans les pommes apparemment, elle a eu un malaise sur Twitter là, dit ça tout à l'heure. Bon bah Mathilde, bah t'es content que t'ailles bien finalement, tiens. Et puis Wendy qui dit y a du bon son boum boum chic chic avec le son de Pitbull. Bah bien sûr le bon son boum boum chic chic. Alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chic chac. Ah non, c'est chic chac. Ah oui, c'est chic chac. Je rappelle qu'on a découvert ce son la semaine dernière d'un journaliste sur la RTBF en Belgique qui parlait donc de tout Roland, hein, un très grand journaliste Tomorrowland, je pense qu'il était au taquet. Et Max aussi du 11 qui dit bonsoir tout le monde, ça fait super plaisir de vous retrouver en direct en ce dimanche soir. Bah écoute, bienvenue à toi Max, et ça fait plaisir. D'ailleurs prévenez vos potes également, hein, qu'on est là ce soir. Là il se passe quelque chose sur les radios le soir, 20h, 23h, Mickaël No Limit. On est là en direct, on est les seuls d'ailleurs. Bon Tyrone, on va parler avec toi dans un instant. Est-ce que vous avez déjà été aussi viré par votre copain, votre copine, sans aucune alerte? Ça arrive rarement parce qu'en général, bon, les mecs sont assez cons, faut quand même le savoir. En général, les mecs voient pas quand la meuf, non mais on ne profite pas. Non mais en général, on voit mal quand la meuf fait des signaux. Oui. En général, on voit rien. On le fait avec des grandes mains. Ouais, c'est ça. On lance des signaux, mais vous les captez pas. Oui, non, mais c'est ça. Attention, parce que des fois, c'est des signaux, mais c'est pas des signaux. Si, c'est des signaux, mais imagine. Voilà, il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, quoi. Donc, bon, bah Tyrone, reste avec nous. On va parler avec toi dans un instant. Les filles, j'ai besoin de vous ce soir pour filer un coup de main, Tyrone. 01 42 48 5000. Vous appelez le standard maintenant. On vous attend, évidemment, mesdemoiselles, messieurs. Vous pouvez aussi, évidemment. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis restez bien là, dans un instant. Bah, je voulais promis, tu vas faire le son belge de Stromae. Et puis je vous cale aussi là pendant la pub, je vous mets la vidéo là des requins là du toboggan requin. Je vous fais ça dans un instant sur Fun Radio, restez bien là, on est là. Mickaël No Limit jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. No Limit Mickaël. Sur Fun Radio. Allez, venez foutre le bordel avec nous. On est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. On est les seuls en direct sur la bande FM. Donc venez, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus chez nous. Puisque c'est un peu chez vous aussi. Mickaël No Limit jusqu'à 23h avec le standard évidemment qui est là. 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous joindre. Donc vous soyez en France. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Là aussi, ça fonctionne. Dès que vous appelez, vous tomberez directement sur Sandro au standard. Il n'y a aucun souci. Il y a Jimmy aussi qui a envoyé un message là, avec le hashtag Mickaël. Génial votre émission. Ça me fera oublier les râteaux que j'arrête pas de me choper. Ah bah ouais, mais ça, Jimmy, ça, après, il faut, faut demander des conseils. On est là pour ça aussi. Et puis, il y a Nick aussi qui dit, dis mon nom. Bah voilà, c'est fait, Nick. Siegfried aussi qui dit, trop content de te retrouver, Mickaël. Tu peux passer We'll Be Coming Back de Calvin Harris, s'il te plaît. On essaiera de passer ça tout à l'heure, évidemment. Il n'y a pas de problème, Siegfried. En plus, je vous avais demandé votre avis. C'est bien pour l'utiliser clairement. Je vous ai aussi mis la vidéo, là, de, ça se passe aux Bahamas, en fait. C'est, donc le requin avec le toboggan, en fait. Ou, est-ce que vous iriez dans ce toboggan? Je vous en avais parlé au début de l'émission. La vidéo, donc, est à regarder sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Bon, Tyrone, toujours là? Oui. Bon, parfait, on va reparler avec toi dans un instant là. Donc ta meuf qui t'a jeté alors qu'elle, toi t'as encore des sentiments pour elle évidemment. Et oui. Bah elle t'a jeté en fait, elle t'a pas expliqué pourquoi, donc tu supputes. Très beau mot, supputer, hein. C'est pas ouais. Ah oui, mot quadruple même, j'ai envie de dire. Donc toi tu imagines en fait qu'elle est bah qu'elle est partie peut-être pour un autre mec, donc tu sais pas trop. Et tu voulais des conseils, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, eh ben écoute, on va se faire ça dans un petit instant. Tu restes avec nous, Tyrone. On aura Mathilde aussi dans quelques instants. Tiens, bah celle qui avait fait un malaise là sur Twitter, bah c'est cool. Elle est déjà avec nous, Mathilde, ça fait plaisir. Et on se fait tout ça après Stromae maintenant sur Fun Radio avec Papa Outé. Bon dimanche sur Fun Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Allez, bienvenue sur Fun Radio, Mickaël No Limit. Hey. C'est bah on est là tous les soirs, 20h, 23h, début de semaine pour nous. J'espère que bah chez vous ça se passe bien en tout cas. Retour de vacances ou peut-être départ en vacances là. Bah dites-nous tiens, si vous venez de d'arriver ou si vous comptez repartir, vous allez où? Bah dites-nous tout ça maintenant. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Et puis pour la Belgique aussi 02 851 4x0. On salue également tous ceux qui sont connectés là ce soir là sur Facebook et Twitter. Là, vous êtes les bienvenus évidemment tout le monde. Il y a DJ Max qui avait envoyé un message qui dit salut Mickaël, je kiffe ton émission, continue comme ça, tu déchires tout, toi et ton équipe. C'est Miko qui avait envoyé le message. Anaïs aussi qui dit on peut pas l'appeler la fille pour savoir pourquoi elle l'a quitté. Oui, c'est une idée, on va lui poser la question dans quelques instants évidemment. Framboise aussi qui dit tu peux nous mettre Wake Me Up de Avicii s'il te plaît, on va essayer de caler ça tout à l'heure. Je note, hein, vous inquiétez pas. Coucou toute l'équipe, trop content d'être parmi vous, c'est du bonheur, bisous, tout doux, c'est Delphine du 8-5, merci d'elle. Et puis Clara qui dit il y aura le mec qui avait mis sa maîtresse enceinte ce soir ou pas. Bah normalement oui, hein, c'était jeudi ça, il nous avait appelé. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était jeudi. Et donc jeudi, on avait eu le gars qui nous avait dit bah je suis dans la merde parce que j'ai trompé ma copine avec ma maîtresse. Forcément, ma maîtresse est tombée enceinte et elle veut balancer à ma copine en fait qu'elle est enceinte. Et donc du coup, il était bien dans la merde. Donc j'avais dit que, enfin, il devait se voir ce week-end pour en parler. Et donc je lui avais dit bah écoute, essaye de t'arranger avec la maîtresse ou avec ta copine. Bref, il va falloir être honnête avec l'une ou l'autre quoi. Donc on devait le rappeler ce soir pour voir un peu comment ça allait se passer. Donc j'attends des nouvelles et on fera ça tout à l'heure. Ce qu'on fera tout à l'heure également, c'est l'ardif du chéri je peux te faire cocu là qu'on avait fait la semaine dernière. Souvenez-vous, c'était ça. Hein, oh, je vais vous défoncer tous les deux. Calme-toi. Je te jure, oh mais arrête déjà, pas de mon cœur qui tient. Moi je te dis, tu couches avec elle, on n'est plus ensemble. Stop. Maintenant, d'accord? Voilà, directement. Eh ben, donc c'était violence. Un petit peu ça. Le concept était simple, hein, appeler votre copain, votre copine, pour lui demander l'autorisation de faire un one shot extra-conjugal. Voilà. Donc en général, le copain ou la copine le vit plutôt mal. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous vous inscrivez maintenant. Vous me faites un petit mail mikl@funradio.fr. Alors est-ce qu'il y a un truc comme ça, Tyrone? Tyrone, t'es là, Tyrone? Oui, je suis là. Voilà. Donc toi, tu nous avais appelé parce que ta meuf t'a jeté justement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc que t'aurais pu peut-être faire justement pour éviter qu'elle te jette? C'est un couple d'Américains qui a fait ça en fait. Ils ont décidé de vivre pendant 48 heures menottés. Tu l'aurais fait toi? Je sais pas. Ah non, mais c'est ça hein, en fait. 48 heures menottés, Sandro, tu l'aurais fait toi? 48 heures menottés avec ton mec? Non. Non, j'ai pour jamais, tester, tu vois. Jamais. Tu crois que j'allais rester avec ce gros naze toute la journée? Mais trop loin du placard, c'est mort quoi. N'importe quoi. Gâteau, hein. 48 heures 48 heures enchaînées? Jamais. Polo, 48 heures enchaînées? Ça dépend de la fille, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord avec Polo. Ouais, c'est vrai que si, si la meuf est pas terrible, ouais, c'est clair, non, c'est clair. Bah, justement. Si c'est ta meuf, c'est une bombe de meuf, les gars. Ah, ben après, ouais. Forcément, des fois, tu Regarde Toff. Il a des meufs, c'est pas toujours des bombes de meufs. Super chum. Pour lui, c'est des bombes. Ouais, voilà. Et puis, moi, je fais avec ce que je peux, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, justement, tiens, regarde, attends. J'ai les menottes aussi, tiens, ici. On va essayer de faire ça maintenant. Tu l'auras fait. Qu'est-ce que tu fais avec des menottes? Bah, je sais pas, je les ai trouvées dans le bureau tout à l'heure. Je me suis dit, on pourra servir. T'es sûr que t'étais à la piscine? Oui, j'étais dans les clubs sadomaso. Pas du tout. Non, mais par contre, du coup, vous allez pouvoir être enchaîné avec toi. Ah, bah non, tiens. Je peux pas, j'ai beaucoup de travail. Ouais, mais lui, je il peut s'approcher de toi. Le standard comme ça. Non, mais il peut s'approcher de toi. Il est trop loin. Regarde, je vous le lance là. Attendez, attendez. Hop là. Ça y est, les menottes ont été lancées. On va attacher. Je veux la clé avant. T'inquiète, il y a la clé. T'inquiète, regarde. Hop là, regarde la clé. Voilà, je l'ai avalé la clé. Ça y est, c'est fait. Ah, il l'a, ça y est. Hop. Ils sont c'est mignon. Pour 48 heures, ils sont ensemble. Ah non. Comme c'est beau. Comme c'est mignon pour 48 heures. Et eh oui, ce nouveau couple pour 48 heures, ça fait plaisir quand et même. Comment je travaille maintenant? Mais tu vois, genre, moi, tu travailles. Plus la question de comment je vais aller aux toilettes. De ouais. Je vais... C'est ça, ça va être pas mal. C'est pas relou en plus. Non, pas du tout, pas du tout. Ça fait plaisir en plus. C'est bien. Ça fait mal. T'as vu Tyrone? Oui, c'est des menottes. T'aurais dû directement lui mettre une paire de menottes en fait, hein. Ouais, bah c'est ça, j'aurais dû y penser. Exactement, au moins t'aurais été vachement tranquille en fait. Je pense que trop longtemps, ouais, accroché comme ça, au bout d'un moment tu te fous des pintes. Non, mais le but c'était 48 heures. Il y avait un psy qui avait dit moi je vous conseille pas quand ça va mal dans un couple, il vaut mieux que chacun y voit. Enfin, pas voir de son côté, genre sexuellement, hein, mais genre qu'il fasse des trucs avec des potes, l'autre avec ses copines. Et eux ils ont décidé de s'accrocher pendant 48 heures et finalement, bah ça leur a bien, bien servi. En tout cas pour l'instant. Donc, ouais, donc ils ont tous les deux, bon, fini à la morgue, mais ils ont. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, Tyrone. Peut-être c'est une solution à voir. En tout cas, il y a Jennifer qui est avec nous également, qui appelle de Normandie. Salut Jennifer. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquillement, là, on vient d'enchaîner Toff et Sandro avec des menottes. Moi, je me sens un peu oppressé, mais sinon ça va. Chiant, parce qu'en fait, ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est Toff qui fait tout le boulot. Ah, ça fait mal! C'est-à-dire qu'elle bouge pas, tu vois, c'est comme si elle avait rien en fait, elle a pas bougé de sa place. De quoi? T'as déjà fait ça, toi, Jennifer, attacher ton mec avec les menottes? Ah non, pas encore. Oh, tu devrais essayer. Hein. Oh, tu devrais essayer. J'aurais dû le faire. Ah, pourquoi il s'est barré aussi? Ah ouais, ça faisait 9 ans que tu étais avec moi. Ah, 9 ans! Et alors, est-ce que comme Tyrone, c'était la même excuse, genre, finalement, je sais pas si je tiens à toi, si après 9 ans. On se disputait trop, en fin de compte, on se disputait jamais. Ouais. Mais bon, donc en fin de compte, c'est pareil, j'ai essayé de chercher, voir s'il m'avait trompé ou s'il avait quelqu'un d'autre et tout. J'ai appelé, j'ai fait mes recherches et tout, puis en fin de compte, il m'a largué le 2 jours, et le jeudi, et 2 jours après, il avait quelqu'un d'autre, quoi. Oh, bah oui, évidemment. Là, c'est ça. Il était déjà avec, je suis sûre. Mais ouais, clairement. Mais oui, parce qu'il sortait tous les week-ends, il me disait, non, je suis avec des amis, en arrivant là, bah, deux jours après, voilà, quoi, j'ai dit, t'as oublié 9 ans de ta vie, c'est non. Puis à l'heure d'aujourd'hui, il m'appelle encore en me disant tu me manques, je vais revenir et tout. Et ah voilà. Mais ça c'est les mecs ça. En fait le truc c'est que tu sais jamais. Ici, c'est pour la photo. Attends, parce qu'on est en train de faire une photo avec les menottes là. Et donc du coup Sandro, tu sais, elle gueule, c'est comme si elle avait pas l'habitude de mettre des menottes. Alors ce cinéma là, ce cinéma constant là. Bon, et donc Jennifer, ça c'est les mecs, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'ils savent, ils espèrent toujours avoir mieux que ce qu'ils ont, tu vois. Ils pensent toujours que l'herbe est meilleure et plus verte ailleurs. Menottes, c'est pareil pour les filles, hein, mais après 9 ans en même temps, ça va quoi. Ça fait combien de temps qu'il t'a viré, Jennifer? Là, ça fait un mois. Ça fait un mois. Bon, attends, 9 ans, mais attends, mais t'as 23 ans, t'étais avec lui à 14 ans. C'est ça. Ah bah ouais, mais bon, il y a un moment. Il faut changer. Non, mais c'est pas ça. C'était ton premier mec? Ouais. Mais oui, mais attends, il y a aucun moment, parce que justement, c'est quand même un truc que je me pose comme question. J'en avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. C'est quand même un truc. Est-ce que t'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs? Franchement, non, j'étais trop bien. Non, mais ne fût-ce que pour savoir, parce que comme tu connais pas le reste, tu sais pas, ça se trouve, t'es avec un mec qui est très mauvais au lit, tu vois. Ou peut-être que c'est un dieu, tu sais pas, mais il faut comparer pour ça. Oui, mais bon, moi je croyais que c'était l'homme de ma vie, hein. Ah ouais, mais bon, ça arrive rarement, hein, pour le coup. Ouais, tu t'en es rendu compte, là, Jennifer. Hein, Mais maintenant, mais bon. Il faut changer, Jennifer. Combien mesures-tu? Ouais, oui, justement, tiens. Combien mesures-tu? Oui, bien sûr, ta taille. 1m70. Combien pèses-tu? Combien pèses-tu? 65. Quel est ton tour de poitrine? 115F. Quoi? 15F? 115F, mais comme fou furieux. Non mais Jennifer, 115F. C'est pas possible. Non, tu te fous de nous. 115F comme je me fous de ta gueule. Ouais. Ouais, sérieusement. Bon, et la taille du dernier pantalon que j'ai acheté? 10. Du 12. Mais attends, mais c'est... Bah c'est énormissime, ça rentre pas dans le studio. 1m70, 60 kilos? 65 kilos. Mais et c'est ce qui m'a sorti, je vais revenir parce que ma copine, elle a des plus petits seins que toi. Oh, le salaud. Ouais, bah oui, mais c'est pas compliqué en même temps. Comment t'expliquer que 115F, évidemment, n'importe quelle meuf a des seins plus petits que toi. Hein. Ouais. Bah, enfin, bon, ce qui est bien, c'est que tu peux l'étouffer avec. Hein, ah ouais. Comme ça. Mais du coup, tu dois mettre des équerres en dessous pour que ça tienne? Non, ça tient, t'inquiète. Sans déconner. Ou alors, tu sais, avec des espèces de câbles vers le haut, là, tu sais, pour les tenir en l'air. Et il y a plein de gens que tout d'un coup, c'est-à-dire que le Twitter, il est en fusion, là. Ah, je l'ai mis en route, là. Ah, bah, je te confirme, non, mais c'est surtout Jennifer que la terre entière veut les photos, là, veut voir. Alors, pas seins nus, hein. Enfin, si tu veux. Mais je veux dire, sinon, c'est pas obligatoire. Mais au moins qu'on voit un peu le modèle, quoi. Parce que 115F. Photo, oui. Moi, il y a Eric qui fait 115F avec des points d'interrogation partout. Bah, ouais, clairement. Mais c'est, ça a l'air énorme. Hein. Ah bah c'est pas que ça a l'air énorme, c'est juste sur Raïste, sans Kazef. Mais juste, c'est les tiens d'origine ou il y a un petit peu de tuning? C'est d'origine, non. Ah oui, bon, c'est d'origine. Mais Lolo Ferrari, ça faisait combien? Pour en faire enlever. C'était du... Ah, tu veux faire enlever? Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. C'était du G ou du H, un truc comme ça. Ouais, ah ouais. C'est violent, ouais. Tu connais, tu sais ce que c'était la taille, Jennifer, de Lolo Ferrari? Non. Putain, mais t'as pas de problème dans l'avion, Jennifer? Non, c'est dans la voiture, elle arrive pas à tourner le volant. Alors, n'empêche, l'avantage, c'est que t'as double airbag quand t'es en voiture. Hein. T'es tranquille avec ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, s'il y a un carton, bon, franchement, pour qu'il t'arrive un truc. Mais c'est difficile à gérer au jour le jour ou pas? Ah, bah, comment ça, c'est expliquer que la majorité des mecs doivent regarder, quoi. Oui, c'est vrai. Et même les meufs, et même en sous-vêtements, tu dois galérer pour trouver Jennifer. Ouais, bah, que sur Internet. Ah bah tu m'étonnes. Et en plus elle a des trucs moches parce que j'imagine. Enfin, tu vois, c'est... non mais comme il y en a pas beaucoup de cette taille-là, à mon avis, ils doivent faire des trucs à la con, quoi. Je vais dans les magasins où c'est des trucs de vieux. Ah bah ouais, non mais c'est ça, voilà. Donc ça doit pas être super. Ah sinon, ce que tu peux faire, Jennifer, c'est que tu achètes des trucs, c'est du C, puis après t'as qu'à les coudre ensemble, hein, comme ça tu feras du F. Oh la technique. Bah ouais, mais comme ça au moins les trucs un peu plus classe, quoi. Un peu plus joli. La même couleur là, des deux côtés. Ah ouais, et F comme Fuck Me I'm Famous. Et comme Fun Radio. Et comme, oui, aussi, mais comme Fuck Me I'm Famous, Jennifer. Tu pourrais aller à Ibiza, tu cartonnerais là-bas, je pense, hein. Je pense. Ah ouais, je pense que c'est clair. Bon, sinon, on s'écarte un peu du sujet à la base. Tyron. On est arrivé sur la poitrine, là. Bah, c'est ça, mais c'est ta faute aussi, Jennifer, là, t'es rentré là-dessus. Ah, vous m'avez demandé, hein. Bah oui, mais bon, Tyron, ça te fait laver du 115F, toi? Hein? Ouais, bah, ça peut aller, ouais. Ah, bah, ça peut aller, ouais. Oh, mais je suis pas difficile, moi, j'ai 115F, ça me va très bien, je ne suis pas dans le détail, évidemment, hein. Ouais, donc, Lolo Ferrari avait plus de bonnet, mais ça faisait 180 cm de tour de... 180? Oui. Et là, le bonnet, donc, Il y avait plus. Par contre, mais c'était c'est quoi le maximum, des bonnets? C'est H? Je sais pas, mais enfin bon, pour elle, il y avait plus. Et donc, le poids d'un sein, juste pour rigoler? 3 kilos. 2,8 kg, pas mal. Ah, pas mal, 2,8 kg le libar, dis donc. Waouh, la violence. Oh là là, t'es relou. Et toi, Jennifer, t'as déjà pesé tes seins ou pas? Ah non. Ah ouais, non, mais je voulais savoir, c'est par curiosité en fait, hein. C'est pour la science, voilà, c'est juste pour ce qu'on voulait. Non, c'est vrai. J'ai jamais pensé. Ah bah, tu devrais essayer, Jennifer, tiens. Bon, donc, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner, toi, à Tyron, Jennifer, vu que t'es déjà passé par là? Il n'a pas besoin d'appeler, de chercher, il va le savoir d'un jour ou d'un autre, et puis qu'il fasse comme moi, qu'il profite, on est jeune, hein. Oui, non, mais c'est clair, hein. Surtout Tyron, ça faisait un an et demi que t'étais avec ta copine, t'étais avec elle à 16 ans, c'est ça? Non, 17 ans. 17? Ouais, bah c'est ça, plus ou moins, donc 16-17. Donc, et c'était ta première copine? Non. Oh, toi, t'as déjà. Plus, alors voilà. Ah, il est déjà un routier, lui, Tyron. Tu sais ce que c'est que de changer, hein. Bah voilà, c'est clair. Tiens, il y a un message de Ben qui dit 115F, non mais allô, quoi, c'est abusé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Let's Be Freaks, il est de 14 à 23, normal qu'il se barre, ça marche généralement jamais les premiers amours. Wendy qui dit 115F, quoi? Ah bah ouais, tu m'étonnes, tout le monde est assez surpris, hein. Même Wendy, tu vois, c'est une fille qui dit, moi je veux la photo pour voir, effectivement. Bon, Nicolas qui veut la photo. C'est une vie jalouse, surtout. Bah, jalouse pas forcément, hein, franchement, mais tu le vis quand même mal, les 115F. Non, je sais que c'est pas le sujet, mais faut pas être jalouse parce que franchement c'est trop. C'est une galère pour le dos, pour vraiment. Tout quoi. Et puis même pour les regards, tout le monde doit regarder. Moi j'ai bien des idées pour des les trucs. Les mecs ils te regardent même pas dans les yeux, ils te regardent les seins quoi. Sans déconner, évidemment, ouais, évidemment. Bon bah Jennifer, merci à toi d'être passée. En tout cas, tu reviens sur Fun quand tu veux et puis tranquille, t'es partie en vacances toi, Jennifer, c'était. Ah tu bosses, tu fais quoi? Infirmière. Ah ouais. Ah ils sont contents les patients. Ouais. Mais qui c'est qui vient? C'est Gertrude. Non, je préférerais Granibar. Non, ça va mieux pour l'instant. Oui, je vais mieux. Je vais attendre une petite heure là. Elle commence à quelle heure, Jennifer? Ouais, à quelle heure elle commence, Jennifer? Bah, je serai malade à cette heure-là, plus ou moins par là, quoi. Hein, je sens que je vais vomir à ce moment-là. C'est clair. Ouais. C'est pas bien. Ah mais c'est genre, tu sais, il commence à 22h. Hop, le petit bouton, c'est comme dans l'avion là. Et d'ailleurs, elle va peut-être nous confirmer, Jennifer. Mais il paraît que ça y va chez les infirmiers. Ah, je sais pas. Avec les clients, les clients. Oui. Bonjour, je suis client, alors j'ai un problème, je voudrais qu'on m'enlève un rein. Avec les patients. Franchement, ouais, il y a des patients, ils sont bizarres. Sans blague. Genre. Bah, ils doivent. Le truc le plus improbable que t'aies eu. Genre, c'est, j'étais en train de laver, ils pouvaient pas, vas-y, lave-moi, salope. Oh là là. Ah, mais quoi, genre des petits vieux ou des gens non, normaux? Non, il avait, 27 ans. Ah oui, bah, un petit vieux, ouais, c'est bien. Genre, non, ouais, il avait, ah ouais, 27 ans, le mec, il te parle comme ça. Moi, j'ai remis une claque, hein. Ouais, c'est chaud. On peut pas, hein. Non, mais d'accord, mais lui non plus, il peut pas te parler comme ça. Ouais, ou alors c'est les gens qui soi-disant voient pas, et dès qu'ils voient, ah vous êtes belle. Ah oui, mais je suis aveugle, je suis complètement aveugle. Alors attendez, je mets un devant moi pour voir où je suis. Hein. Ah, tiens c'est mou, c'est marrant, je ne sais pas où je suis. Ouais, tu dois avoir des gros bitos quand même dans le domaine quand même, ça c'est clair. Bon bah Jennifer, merci à toi. On peut vérifier l'adage de la garde ou pas? Vas-y. Bah, il paraît que donc dans les hôpitaux, c'est à la garde que c'est le plus chaud. Ouais. Ouais, donc ça va, c'est confirmé quoi. Entre les urgences, il faut qu'ils se tiennent chaud. Je comprends. Bon, ben Jennifer, merci, gros bisous. Hein. De rien, au revoir. Et à bientôt sur Fun, on embrasse d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent en Normandie là ce soir et à Rouen. Salut Jennifer, ciao à toi. Tyron. Oui. Bon, Tyron, bouge pas, on va te reprendre aussi dans un instant. Alors ta copine, elle s'appelle comment? Anaïs. Bon, bah ce serait bien qu'on lui passe un petit coup de fil à Anaïs, non? Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Bah ouais, ce serait bien pour lui poser la question. Ouais. Au final, c'est le mieux. Tu seras directement fixé. Si elle veut plus de toi, voilà. Bon, moi, elle t'explique pourquoi. Mais t'as déjà essayé de l'appeler toi, directement? Non, je lui ai envoyé des messages. Et elle t'a viré comment? Par SMS ou en face à face ou par téléphone? Par téléphone, enfin par SMS. Oh là là, putain, après un an et demi, quoi. Après un an et demi, soyez un peu quand même, enfin meilleur, quoi. Par SMS, c'est quand même très dur. Mais je pense. Ouais, voilà. Puis en plus, du jour au lendemain, alors que la veille, on se parlait normalement, quoi. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Il y a un truc bizarre là-dessous. Hein. Peut-être que les parents t'aimaient pas, si. Si. Enfin, ouais, les parents t'aimaient bien. Bon, bah, écoute, c'est bizarre. Hein. Faut mener l'enquête. Oui, mais c'est ça. Ouais. Bon, bah écoute, reste avec nous, Tyron. On va reparler avec toi dans un instant, d'accord? D'accord. Bon, allez, bouge pas de là. Et on va se faire la colle de soir. Tiens, c'est avec Mehdi pour la colle de soir. Salut Mehdi. Salut à tout le monde. Salut. Eh ben, comment ça va? Salut Mehdi. Comment ça va? Bah écoute, plutôt bien Mehdi. Hein. T'appelles de Pontoise, toi? Tout à fait. Dans l'Oise, très très loin. Oui, très très loin, effectivement. Oui, je comprends. Bon, alors Mehdi, on va se faire la colle de ce soir. La colle, ouais. C'est très simple. Il va donc devoir proposer une colle. On va la poser aux auditeurs. Si jamais personne ne trouve la réponse à cette colle, tu repars avec tout simplement la caméra numérique et la possibilité d'aller direction Ibiza. Ça, on le saura jeudi, évidemment. Génial. Voilà. Bah, moi, j'espère que personne va trouver. Alors. Ah bah, j'imagine pour toi, oui. Ça va, Mehdi? Oh, ce rire. On dirait Gargamel. Ouais, ça va, Mehdi? Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ah, bah, il prend ça comme un compliment, très bien. Avec plaisir, hein, si je peux. En service. Voilà. Bon, Mehdi, alors, on y va, la colle. Si jamais, évidemment, des auditeurs trouvent, il faut qu'ils s'inscrivent pour pouvoir, évidemment, donner la bonne réponse. Mehdi, on y va? Ah, on y va. Allez, on y va, c'est parti. On y va, la question, on t'écoute, Mehdi. Alors, l'énigme, c'est: je suis toujours noire, mais je peux être blanche. Qui suis-je? Je suis toujours noire, mais je peux être blanche. C'est ça la colle de ce soir? Tout à fait. D'accord. Je suis toujours noire, mais je peux être blanche. Voilà. Très bien. Bon, si vous avez une idée, vous qui êtes derrière la radio, là, on fait péter ça maintenant. Je vous mets la petite question sur le Facebook. Là, vous allez pouvoir y répondre. facebook.com/michaelofficiel. Je vous mets la question dans quelques secondes. Donc, en attendant, vous pouvez y aller. Puis par SMS aussi, débuter le message par M-I-K-L. Vous envoyez la réponse au 74-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Bon, répète-la encore un petit coup, Mehdi, hein. Donc, je suis toujours noire, mais je peux être blanche. Très bien. Et puis, si vous avez la bonne réponse, vous partirez peut-être direction Ibiza. Eh ouais, avec la personne de votre choix pour aller faire la teuf là-bas. Ça pourrait être la folie totale, ça. Hein. Non, Sandro, tu peux pas lever les bras. Non, tu peux pas parce que je te rappelle que tu es attaché avec des menottes à teuf. J'ai commencé à m'attacher à lui. Ouais, t'inquiète pas. Bon, donc voilà, si vous voulez aller à la Fac Miami Fameuse direction Ibiza, tout frais payé pour une nuit de psychopathe avec les auditeurs de Fun pour aller faire la teuf toute la nuit. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je suis toujours noire, mais je peux aussi être blanche. C'était ça la colle? Tout à fait. Très bien, allez, vos réponses maintenant. Vous débutez le message par M-I-K-L. Vous envoyez le tout au 74-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Bon, à tout à l'heure, Mehdi. Michael? Oui, Mehdi. Après, un petit cadeau, tu pourrais me trouver un petit copain? Tu veux un petit copain, Mehdi? Ouais. Écoute, on va faire ce qu'on peut, Mehdi, on va voir. Écoute, t'auras peut-être facilement, t'auras l'embarras du choix si tu gagnes ton trip à Ibiza. Tu vas voir que les mecs, ils vont arriver en disant: ah, je veux venir avec lui. Si tu gagnes pas, on verra. On verra, Mehdi, t'emballe pas, d'accord? Génial, top, pas de problème. Bah écoute, bouge pas de là, Mehdi, on va essayer de te rendre service dans quelques instants, t'inquiète pas de là. Bon, il y a des messages aussi qui arrivent. Il y a Anguille Souroche pour Tyron, c'est Ben qui avait envoyé le message. Anaïs qui dit: le rire du mec est énorme. Oui, c'est Mehdi qu'on vient d'avoir. Hein. Et puis Ben qui dit aussi: ce soir, j'annonce grosse émission dans Michael No Limit, une énorme émission comme le 115F de Jennifer. Je confirme, C'est énorme. Bon, j'espère que nous aurons la photo d'ici quelques instants, en tout cas. Bon, on aura aussi Gaëtan avec nous dans quelques instants. Salut Gaëtan. Salut Michael. Comment va? Salut. Ça va, bon, tranquille, t'appelles d'où Gaëtan? Ouais, des Deux-Sèvres. Des Deux-Sèvres, très bien. Bon, et on va parler de quoi dans un instant avec toi Gaëtan? Alors moi, pour les vacances, j'ai décidé de partir en Belgique. C'est bien aussi ça. C'est réfléchi hein. Non, j'y étais ce week-end et franchement pour le coup on était pas mal hein, Lac de l'Odeur tout ça, t'es tranquille avec le temps qu'il faisait, c'était cool. Tu pars en vacances ou En vacances, oui, et comme ma copine est belge, moi j'ai décidé de partir vivre en Belgique carrément. Ah enfin, d'accord. Ah, tu l'aimes fort ta copine. Ah bah alors bouge pas. Ah, oui. Non, mais attends, il y a des chouettes endroits sans non, arrête rigole, un peu de la ramener là. Mais j'adore les Belges. Bon, oui, mais ouais. Oui, mais c'est, mais les Belges Charleroi, c'est très bon. Non, là non, un peu moins quoi. Bon bah Gaëtan, reste là, on va en parler dans un instant. Vous venez nous dire aussi hein ce que vous faites pendant l'été, qu'est-ce que vous avez prévu, vous partez en vacances ou pas, venez nous en parler évidemment. Et on aura Mathilde aussi là qui était sur le Twitter là. Salut Mathilde. Salut. Comment va Mathilde ? Salut bien. Mathilde. Bon, tant mieux Mathilde. Dis-moi, tu veux écouter un son avant de parler de ton malaise là, tu veux ? Alors, j'ai Carolina Marquez qui est prévue. Avec Sing La La La si tu veux. Ouais. Ou alors sinon j'ai Gillo également là avec Live It Up. Non. Non, d'accord, OK, comme ça au moins c'est fait. Ou alors Florida avec Pitbull, Can't Believe It. Non, Florida. Florida. Eh bon, on va se le mettre dans un instant, Mathilde. Tu restes avec nous ? Oui. Allez, bah bouge pas de là. Vous aussi, vous êtes en direct avec nous, évidemment. Que vous soyez partout en France, partout en Belgique, en Suisse également. Apparemment, on nous écoute via l'application iPhone de Fun. Là, bah vous êtes tous les bienvenus. Hein, que vous soyez. Ça se passe donc pour nous joindre au facile 01 42 48 5000. D'où que vous soyez en France et 02 851 4 x 0. Si vous voulez parler avec nous, si vous êtes en Belgique, vous êtes évidemment les bienvenus sur Fun Radio. Mickaël No Limit tous les soirs. On est là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Je suis Mickaël, il y a Polo, il y a Tof, Cassandro. Toute l'équipe est là en direct jusqu'à 23h. Et puis profitez bien, on est les seuls là ce soir à pas vous avoir abandonné pendant que vous êtes en train de galérer dans les bouchons. Puisque je rappelle que c'était un peu le bordel hein, ce week-end là pour les départs en vacances, les retours de vacances. Dites-nous où vous avez été, si vous vous êtes éclaté. Dites-nous si vous partez, où est-ce que vous partez justement là dans les prochains jours. Ou peut-être même là ce soir, peut-être dans la voiture, on sait jamais. 01 42 48 5000, vous balancez vos messages d'où que vous soyez en France. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. J'en ai croisé plein des Hollandais là qui étaient en mode vacances avec la caravane et avec leur tongs et leurs chaussettes. C'était la grande classe sur l'autoroute tout à l'heure avec la station service là. Mais ils étaient beaux comme des camions. Pourquoi, mais les Hollandais, c'est vivre. Mais pourquoi tous les Hollandais font ça? Je ne comprends pas. Là, il y a les Allemands aussi qui sont dans le même trip. Hein. Ouais. Bon, retour avec Mathilde dans un instant, avec Tyrone également là, sa meuf l'a jetée alors qu'elle a encore des sentiments pour lui, enfin que lui a encore des sentiments pour elle plutôt. Et puis Gaëtan là qui sera là, toujours là Gaëtan. Oui, toujours là. Bon, parfait. Gaëtan, donc, qui appelle des Deux-Sèvres et qui a décidé d'aller habiter en Belgique. Et donc, il voulait des avis. Bah, tu tombes bien, plutôt, hein, puisque, bah, Tof et moi, on est belges. Ouais. Donc, on va pouvoir t'aiguiller correctement. Donc, Gaëtan, tu restes avec nous et on va se mettre, comme Mathilde l'avait demandé. Mathilde? Oui. Bon, on va se le mettre maintenant, le son de Florida, là. Tu l'avais demandé avec Pitbull. On se le met maintenant? Oui. T'as pas changé d'avis? Non. Ah, bah, tant mieux. Allez, hop, c'est parti. Florida maintenant, Pitbull. Can't believe it sur Fun Radio et on revient juste après. Mickaël No Limit, c'est jusqu'à 23h sur Fun. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna Allez, bienvenue sur Fun Radio, Mickaël No Limit. C'est tous les soirs, on est là pendant tout l'été, 20h, 23h. Et donc, si vous faites chier chez vous, bah, venez foutre le bordel chez nous. 01 42 48 5000, numéro du standard. Vous appelez d'où que vous soyez en France. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis, venez faire la prog aussi avec moi là. J'ai prévu tout à l'heure là. Avicii avec Wake Me Up. Ah, vous faites péter soit le son d'Avicii, hein, vous choisissez, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, là, hashtag Mickaël, et puis vous mettez Avicii si vous voulez écouter Avicii. Ou alors le hashtag Mickaël, et puis vous mettez Hardwell. Voilà, il y a un des deux sons que je passerai tout à l'heure, là, si vous voulez choisir lequel. C'est vous qui avez les commandes de Fun, là, ce soir, allez-y, profitez-en. Hashtag Mickaël avec le son d'Avicii ou le son d'Hardwell. Bon, et comme ça, chaud là, Mathilde, tu prendrais quoi, toi, si tu pouvais choisir, là, sachant que t'as déjà choisi le son de Florida qui vient de passer, là? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord, ok, mais c'est bien, Mathilde. Hein. Et toi, Tyrone, tu prendrais quoi, le son d'Avicii ou de Hardwell? Hardwell. Hardwell, d'accord. Et toi, Gaëtan, tu prendrais quoi? Avicii. Avicii, très bien, ça fait 50-50. Oh, on dirait Nico, c'est 50-50, c'est génial, c'est incroyable. Et Mehdi, tu prendrais quoi, toi? Avicii. Avicii aussi. Bon, pour l'instant, c'est un peu plus Avicii. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu plus. Bon, bah, très bien. Bon, bah, vous. C'est super serré. C'est génial, c'est serré, c'est incroyable. Vous continuez à voter, bien sûr. Bon, donc, si vous voulez, bah, dites-nous, hein, sur le hashtag. Eh, bah, écoute, j'ai pas eu beaucoup d'imitations, Elle est pas mal, ça va. Non, ça va. Il faut, ferme les yeux. Vas-y. Ferme les yeux, Sandro. Non, mais arrête, c'est la Star Academy. Franchement, je trouve que ça ressemble plus à Jacques Martin, quoi. À quoi? À Jacques Martin? Non. Mais n'importe quoi! Tiens, j'ai un message des mignons pour toi, Sandro. Voilà, grosse naze, hein. Il a un peu de mal avec les. Grosse naze à chaque fois. Ah bon? C'est grosse naze, hein. Bon, enfin, tu entends ce que tu veux, écoute, hein. Grosse naze! Voilà. Ah, maintenant, il dit grosse naze, ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, du coup, Mehdi, comme on t'a avec nous, là. Mehdi, t'es là? Oui. Bon, parfait. Bon, bah, j'espère bien. Bon, allez, on va envoyer les auditeurs, là, maintenant, direction Ibiza, pour aller assister à la Fuck Me I'm Famous. C'est la soirée où il faut absolument être. Bon, il y en a plusieurs, rassurez-vous, hein, si vous voulez louper. Mais on va peut-être envoyer, justement, peut-être toi, Mehdi. Va savoir. Ah, avec la personne de ton choix, sachant que tu nous as demandé, un nouveau mec, on va peut-être essayer de te le trouver aussi. Et en plus, il y a la caméra numérique. Pour ça, il faut que tu poses la colle. Si personne trouve la réponse à la colle, c'est toi qui gagne. Si jamais quelqu'un trouve, bah, c'est la personne qui est tirée au sort qui gagne. D'accord ? D'accord, ok. Bon, bah, allez, fais péter, Mehdi. Attends, j'ai bien fait du papier. Ah, bah, il l'a oublié, hein, bah, voilà, bravo, attends, c'est bon, mais bah, c'est pas mal ça. Bon. Ah, Mehdi ? Oui. Bon, alors, la colle, c'est quoi là ? Alors, c'est. Voilà. Je suis noire et aussi parfois blanche. Qui suis-je ? D'accord, bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc je suis noir, mais parfois blanche. Qui suis-je? Ouais, c'est ça? Un jeu d'échecs. Bon, oui, ah, bah, il y avait des messages aussi qui t'arrivaient. Un jeu d'échecs, c'est ça ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, d'accord, ok. On proposait la lune aussi sur Twitter, là. Non. Non, sur Facebook, il y avait la mousse au chocolat. Oui, c'est pas faux. C'est pas ça. Non, la truffe. C'est pas ça non plus. Non plus. Un iPhone. Oh là là. Bon, bah, c'est pas ça, là, j'imagine. Pas du tout. Bon, on proposait un Kinder. C'est Anto qui proposait ça. Non, et un nombre. Un nombre non plus ? Non plus. Bon, bah tant pis alors. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Là, vous participez sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel, pour aller peut-être direction Ibiza avec la caméra numérique qu'on vous offre pour aller assister à la soirée Fuck Me I'm Famous. Et attends, Mehdi. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de jouer par SMS si vous n'avez pas internet sous la main. Là, vous envoyez MIKL et la réponse au 74 900 pour la France et au 63 22 pour la Belgique. Vas-y, Mehdi, tu voulais dire quoi ? Une petite blague de blonde, pour raconter une, la vite fait ou pas? Ah bah attends, Mehdi, tu la racontes juste après parce que sinon j'ai peur que ça embrouille la tête des gens pour le jeu. Donc garde-la, Mehdi, d'accord? Okay, pas de problème, c'est bon, noté. Il y a un message qui est arrivé aussi, je suis assez déçu là. Il y a Derfili Yours qui dit moyenne imitation de Nikos, hein, tu peux. Non, je peux mieux faire. Ah ouais, bon, ça va. Mehdi, tu essayes d'imiter qui là? Personne. Personne. Je me rassure un moment. Hein. Arthur aussi qui dit moi n'imite pas beaucoup. Attends, c'est quoi? Moi j'imite pas beaucoup mieux Nikos que toi. Heureusement que tu es le meilleur animateur radio. Ah, merci Arthur. Ah ouais, allez, cadeau pour Arthur. Hein. Ouais, auditeur lèche-cul donc. Oui, hein, mais récompensé. Et Benjamin qui voulait le son d'Avicii, bah pas de problème. T'imites trop bien Nikos. Merci Benjamin. Ah. Et Clara qui dit j'entends des connasses aussi, tiens. Ah bah non, il dit pas connasse, hein, il dit gros naze. Écoutez bien, c'est les mignons là. Voilà, il dit gros naze, on est bien d'accord. Mehdi, comment ça se passe au niveau du zoo chez toi là? Rien. J'ai l'impression d'entendre Gollum. Bah ouais, parce que je t'entends faire des bruits derrière là. Tu fais peur un peu, Mehdi. Mais qu'est-ce qu'il est bizarre. Mehdi, est-ce que tu as consommé des substances illicites? Pas du tout. Eh bah tant mieux. Mehdi, dans le livre d'or des auditeurs, je vais te mettre un mec chelou, hein. Oui, là tu peux. Parce que si tu veux, en fait, je peux parler comme ça en homme et je peux parler aussi comme ça. Ouais, moi aussi. Alors, je peux parler comme ça, c'est pareil. Ouais. Tu vois, c'est... On voulait juste être sûr, Mehdi, t'as pas perdu l'anneau. Non, pas du tout, non, okay. Ça va. Alors, très bien. Bon, Mehdi, allez, reste avec nous, on te reprend tout à l'heure pour voir si c'est des bonnes ou mauvaises réponses, ok? Ok, pas de problème. Ok, allez, à tout de suite, Mehdi. Bon, il y a Ben aussi qui est arrivé, qui dit Ben sur Twitter, quel choix difficile, le Hardwell ou Avicii, t'es dur, pourquoi pas les deux? C'est vrai que c'est une idée, Ben, mais dans un premier temps, on va d'abord choisir, on va voir. Et puis, il y a Laura qui dit, ah ouais, ça y est, j'ai mis le mignon de Toff, hein. Alors, j'ai mis le mien cet après-midi, là, sur le Facebook, Twitter et sur Instagram. Et il y a le mignon de Toff, qui évidemment, avec une gonzesse, hein. Et Laura qui dit sur le Twitter, même en mignon, il a l'air pervers, Toff. Bah, surtout en mignon, t'inquiète pas. Moi, j'aime bien mon mignon, il est cool. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai mis la photo aussi de Toff et Sandro attachés en mode menottes. C'est le plus beau couple de l'été. C'est Jessie Beach qui avait envoyé le message, là. Très bien. Bon, Mathilde, avant de reprendre Tyrone, dans un instant, oui. T'es là Mathilde, t'as vu le mignon, les mignons de cet après-midi là? Oui. Alors comment tu me trouves? Rien. Ah rien, tu me trouves rien, parfait. Alors j'attendais ce que tu me dises bien, pas bien, mais rien, j'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Hein. Donc tu me trouves pas bien en mignon? Si. Je suis déçu, hein. Je suis très déçu Mathilde. Tu viens de me briser le cœur Mathilde. C'est vrai. Oui, il a le cœur brisé, c'est vrai. Tu rigoles. Et oui, elle rigole. Le cœur est brisé. C'est là. Ça. Et là, Mathilde, console-le. T'as vu le mignon de Toff? Non. Ah bah tant mieux, parfait. On va pas le voir. Oui, bah pour le coup, effectivement, tu fais bien, Mathilde. Bon, alors qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai vu passer un message tout à l'heure là, Mathilde, qui disait que t'avais été à l'hosto. Oui. Bah qu'est-ce que t'as foutu? J'ai fait la fête, non, je rigole. J'ai pas compris, Mathilde, t'as dit quoi? Non, j'ai dit j'ai fait la fête. Ah, t'as fait la fête et tu termines à l'hosto? Non, j'ai fait un malaise. Ah, t'as fait un malaise, d'accord. Bah quoi, genre grave, t'es tombé dans les pommes? Oui. Bon bah écoute, du coup, t'es resté à l'hôpital combien de temps? Tout le dimanche. Tout le dimanche? Ah ouais, mais c'est quoi? C'est dû au soleil, t'as pas fait une insolation? Oui, si, ça doit être ça. Ah ouais, à mon avis, ouais, bah ça doit. Tu sais pas, ils t'ont pas dit les médecins? Non. D'accord, donc t'es rentré à l'hosto, ils t'ont soigné, puis ils t'ont dit casse-toi. Bah, c'est bien les médecins là-bas. C'est des bons médecins en même temps, tu vois, regarde, ouais, la pleine forme. Non, bah oui, c'est vrai que pour le coup, t'as la patate, Mathilde, ce soir. Hein. Oui. Bon, bah écoute, bah, j'ai envie de dire, c'est le principal. Non, mais je prenais des nouvelles, moi, je vois une auditrice à nous qui est malade. Hein. Ah, moi, oui, je l'appelle pour voir. Ça inquiétait toute l'après-midi. Bon, bah là, du coup, ça va mieux, Mathilde, on est d'accord. Bah oui, là, oui. Ah, bah génial. Et donc, vous allez écouter l'émission jusqu'à 23h? Oui. Bon, bah nickel alors. Eh bah parfait, bah écoute, Mathilde, je te souhaite une bonne soirée alors. Et puis, tu vas rester au standard, on va te filer une compil Starflore. Ok. Allez, salut à toi Mathilde, à bientôt, salut. Gros bisous. Ciao, bisous. Bye bye. Ciao. Des bisous, ciao. Message aussi qui est arrivé. On veut Sandra en mignon aussi, c'est Clara. Ouais, ouais, ça va arriver tout à l'heure là. C'est Seb hein, qui nous avait fait, un auditeur qui nous avait fait les mignons là. Il a fait toute l'équipe d'ailleurs. J'ai mis la mienne, j'ai mis mon mignon tout à l'heure sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. J'ai mis celui de Toff à l'instant, vous pouvez aller voir. Il y a aussi Maxence qui dit réponse à la colle, c'est un écran. Alors, c'est la bonne réponse ou pas, Mehdi? Non, pas du tout. C'est pas la bonne réponse. Bon, bah merci Mehdi. Bah voilà, comme ça tu sais, hein, Maxence, c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'écoute Mickaël sur Fun Radio juste avant d'aller à la fête à Tréville. C'est Max de 11RNY qui avait envoyé le message. Vous ne savez pas la chance que vous avez. C'est la meilleure imitation de Nikos. Je suis assez d'accord, effectivement. Ouais. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Voilà, d'écouter cette magnifique imitation justement de Nikos. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je pars dans le sud là, dans deux semaines et Londres en septembre. C'est Arthur qui avait envoyé le message. Le couple improbable sans et Toff, le couple improbable, c'est Clara qui avait envoyé le message sur le Twitter là. Non, mais on est bien avec nos menottes. Hein. Ouais, bah vite fait alors. Bon, Tyrone. Oui. Bon, pour en revenir à ton problème, là, on va essayer d'appeler ta copine maintenant là pour voir un peu ce qui s'est passé. Puisque je rappelle que donc tu nous avais appelé en début d'émission parce que ta meuf t'a jeté et toi t'as encore des sentiments pour elle. Ça faisait 1 an et demi que vous étiez ensemble et donc t'as aucune nouvelle. Tu sais pas pourquoi elle t'a jeté, pourquoi est-ce qu'elle a un autre mec, est-ce qu'elle a pas d'autre mec, tu sais pas. Vous voilà, êtes nombreux dans ce cas-là, hein. Oui, il y en a beaucoup, hein. T'as remarqué aussi, ouais, toi? Il y a énormément d'appels, de bah mecs, oui, qui se sont fait larguer. Oui, ça arrive souvent à Toff, hein, par exemple. Ouais, mais lui, le vit bien. Ouais, mais... Ça l'arrange, lui, quand ouais, c'est ça. Parce bah, ça dépend lesquels, hein. Non. Il se, pas, lesquels. Il se fait pas vraiment larguer, il se fait oublier en ouais, fait. Voilà, c'est ça la technique. C'est oublié, ouais. Bon. La meuf elle rappelle pas, mais bon, voilà, bah, il s'en fout, quoi. Bon, Tyrone, on va appeler ton ex-copine maintenant. Ça fait combien de temps que c'est fini? Tu m'as pas dit, il me semble. Je sais plus trop. Enfin, ça doit faire 3 semaines. 3 semaines. Oh, bon, ouais, très bien. Ok. Eh ben écoute, on va y aller. Tu veux qu'on l'appelle nous? Tu veux l'appeler toi? Ouais, j'allais proposer de faire 2-3 blagues pour détendre l'atmosphère. Ah ouais, si tu veux. C'est vrai, après. Bon, faisant une juste pour détendre. Non, parce mais je rappelle une fois qu'elle est en ligne, là ça sert à rien. Ah d'accord, parce que je rappelle que la semaine dernière, on a découvert que les filles craquaient sur les mecs drôles. Voilà. Ouais. Et donc depuis Toff fait des blagues mais il se rend pas compte que c'est pas drôle, quoi. Non, tu mais c'est tellement pas drôle que ça fait rire quand même au ah final. Ouais. Ah t'as craqué toi alors? Ah ça y est, Ah ouais, donc Sandro est tombé sous le charme de Toff, tous les menottes, alors que vous pouvez voir sur le Facebook. Ah ouais, ok, je comprends mieux. En plus, avec les menottes, on est encore plus attaché qu'avant. Bah, évidemment. C'est vrai qu'avec des menottes, tu te rapproches de la personne un peu plus. C'est vrai, c'est vrai. Mieux, quoi. Bon, attends, on va l'appeler Tyrone, on va d'abord lui faire une blague pour voir un peu comment elle est au niveau de la détente. Ouais. Et puis après, on la rappelle si jamais elle raccroche pas. Enfin, on la reprend si jamais elle raccroche pas et on la rappelle si elle raccroche, d'accord? Ça marche. Bon, allez, c'est parti, on y va. Tyrone, on y va. C'est Toff qui va l'appeler avec ses blagues pourries, alors. Hein. Voilà. Une magnifique musique de blagues. Je pense qu'avec ça, on va être bien. C'est Anaïs, hein, c'est ça, hein, Tyrone, hein. Ouais, c'est ça. Bon, on parfait. Dirait les musiques, tu sais, sur les bateaux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Croisière. Bah, c'est kitsch, hein. C'est... En même temps, c'est marqué dessus, hein. Bête kitsch. Messagerie Orange. Ah, bah, super. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Bon, t'inquiète pas, Tyrone, on va pas lâcher l'affaire, hein. On va rappeler tout à l'heure, là. On va la garder en stock. Ça se trouve, elle est simplement au téléphone. Elle a pas été dormir, là, cette heure-ci à 9h, là. Non, je pense pas. Non, elle est pas du style à aller se coucher tôt, quand même. Et tu sais pas s'il est parti en vacances? Peut-être qu'elle est à l'étranger, là. Si, là, elle est en vacances, mais bon, elle a toujours son téléphone, donc. Ouais, mais elle est en vacances où ça? À Saint-Cyprien, je crois. D'accord, ok, ouais, bon, bah alors du coup ça change rien, c'est juste, j'en sais s'il est parti à l'international, elle a peut-être pas activé le truc, et donc du coup c'est peut-être le répondeur, mais bon, là en l'occurrence c'est pas le cas. Bon, bah Tyrone, bah reste avec nous, on va te reprendre dans un instant, d'accord? D'accord, ça marche. Bon, allez, bouge pas de là, Tyrone. Gaëtan qui est de retour, là, qui appelle des Deux-Sèvres, toujours là, Gaëtan? Ouais, je suis là, Mickaël. Bon, bah, c'est parfait. Alors, Gaëtan, toi, tu nous avais appelé parce que t'as décidé de partir, rejoindre ta copine et c'est en Belgique. C'est ça. Bon, bah, très bien. Bah, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on passe aussi, en Belgique, donc tu seras pas dépaysé quand tu vas y arriver. Voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Faut que tu fasses tes vaccins. Bon, mais c'est quoi? Non, mais il faut qu'il soit bien. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là? Bon, Gaëtan, donc juste pour remettre les choses au clair, t'es avec ta copine depuis combien de temps? Ça fait un an qu'on est ensemble, un peu plus d'un an. Et tu vas déjà là-bas? Moi, j'attendrai un peu encore. Hein. Tu veux pas faire des allers-retours pour commencer? Mais arrêtez un peu là. Non mais pour s'habituer. Non mais c'est pour lui. Sauf qu'il fait des vannes alors qu'il est belge. Mais non, c'est pas fait que ça soit la Belgique, non. Ça sera un autre pays, c'est pareil. Bah oui, il faut que c'est. Mais ça va, c'est. Mais c'est à côté. Arrête. Elle habite où ta copine, Gaëtan? Dinan, à côté de Dinan. Ah ouais, là, il va falloir s'adapter, ouais. Non, là, je suis d'accord. Salopard. Non, mais attends, mais il n'y a rien, Dinan. Il y a une caserne, tout ce qu'il y a à feu. Tu apprendras qu'on ne va pas chez Carrefour, mais tu vas chez Spar. Oui, c'est les magasins locaux. Non, mais, mais à Dinan, par contre, tu vas te faire chier, hein, Gaëtan. Hein. Ouais, bah, tant pis, moi, j'y vais pour elle. Non, mais d'accord, il y a un moment, même si tu vas pour elle, imagine que ça s'arrête, imagine que. Enfin, ouais. C'est dur, quoi. Mais non, mais puis en plus, s'il y a rien à faire, vous allez être constamment ensemble et ça va durer un an, et puis on va finir cette histoire, quoi. Franchement, après, il y a beaucoup de gens cool là-bas, mais bon, faut dire la chose, la ville est pas très belle, mais je pense que je préfère encore arriver à Charleroi parce que bon, il y a moyen encore, tu sais, t'as des gares et t'es quand même un peu plus près de Bruxelles, etc. Mais là, Dinan, mec. Non, mais Dinan, c'est charmant, c'est une petite ville au bord de la Meuse, c'est mignon. Ouais. J'essaie de trouver des trucs à faire. Ah si, ils font du tourisme. Attends, mais Gaëtan, c'est elle qui t'a demandé de la suivre ou de venir la rejoindre ou c'est toi qui non, a été non, c'est moi qui ai décidé ça. Mais t'as déjà été? Oui, en Belgique, je fais des allers-retours. Non, je te parle pas en Belgique, a dit non. Ah oui, bah, j'y vais une fois par mois, en gros. Ah, une fois par mois? Il y a tellement de trucs à faire à Dinan que même l'office du tourisme, il marche pas. Il est fermé. Non, c'est vrai, je peux te montrer. Non, mais après, tu fais comme tu veux, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est tendu, quoi, Dinan, quand même, hein. Ouais, mais bon. Mais ça fait combien de temps que t'es avec elle, rappelle-moi? Ça fait un an. Ça fait un an. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Et elle fait quoi dans la vie, elle? Elle travaille dans une carrière à l'EF. Dans une carrière? Ah ouais. Et attends, c'est pas drôle? Non, mais y a rien de drôle, c'est pas ça le problème. Je posais la question pour savoir ce qu'elle faisait, là, maintenant je sais. Non, toi tu faisais quoi, Gaëtan? Comment? Toi tu faisais quoi? Elles sont drôles, elles mordent de rire, hein. Bon, tu fais quoi Gaëtan, toi, là, actuellement, aujourd'hui? Chauffeur routier. J'ai retrouvé une place là-haut. Ah, ouais, ça va. En fait, tu seras jamais à la maison. Ouais, au final, c'est ça qui est bien. Ouais, tu vas bouger souvent, quoi. Ouais. Bon, bah, très bien. Donc, au final, habiter ici, enfin, habiter là, les Deux-Sèvres ou habiter à Dinan, au final, ça changera pas grand-chose pour toi. Tu vas quand même bouger tout le temps. Ouais. Bon, bah, alors voilà, très bien. Et t'es chauffeur routier, mais genre, t'as trouvé un nouveau boulot en Belgique, t'as dit, mais genre, tu vas rester en Belgique ou tu vas bouger partout en Europe? Non, ce sera que pour la Belgique. D'accord, ok. Bon, bah écoute, très bien, Gaëtan. Et tu voulais quoi? Tu voulais des conseils pour voir si c'était bien, pas bien, si c'était tôt, pas trop, s'il y en avait d'autres qui avaient peut-être déjà suivi leur copine à l'étranger? Enfin, à l'étranger, c'est le pays à côté, c'est pas ça, mais... S'il y a des frères qui sont déjà partis en Belgique, savoir ce qu'il fallait faire après, niveau papier, quoi. Non, mais il n'y a rien, niveau papier, qu'est-ce que tu veux faire? Niveau papier, tu vas pas au Carmont, tu vas dans un pays à côté. Ouais, mais... Attends, il n'y a pas de passeport, c'est l'Europe... Mais je pense qu'il y a rien à faire. Tu vas là-bas et puis tu t'inscris, et puis t'as un travail, et puis tu paieras tes impôts là-bas. Par contre, ça coûte plus cher, Gaëtan, hein. Oui, bah. Ah, parce que les Français, ils se plaignent. Non, mais parce que c'est vrai, t'en fais moins les Belges. Ouais. Les Français, oui, on est surtaxés. Eh ben, allez voir là-bas ce qui se passe, tiens. Allez voir en Belgique, 55% de la gueule. Mais tu vas voir, tu vas voir. Faire payer des impôts plus cher. Est-ce que là, je remonte un peu dans la conversation. Est-ce que j'ai une question pour essayer de vous être rencontrés comment? En fait, on a commencé à se connaître par internet via des blogs de camions et tout. Des blogs de camions? Ouais. Mais c'est-à-dire des blogs de camions? Qu'est-ce qu'elle foutait sur ces blogs-là? On est passionnés de camions tous les deux. C'est vrai? Ah, c'est énorme. Ah bon? Et ton camion, il est... tu l'as tuningué et tout? Tuning, qu'est-ce que ça veut dire, tuning? Non, vous avez pas vu les camions qui sont tunigués? Ils sont tunés, pas tuningués. Ouais, tunés. Parce que tuningué, ça n'existe pas. Hein. c'est tout tuning. C'est ça, ouais. Ah. Gaëtan? Oui. T'as été perturbé parce que j'ai mis un bruit de camion, donc là je pense que ça l'excite un peu. C'est Mickaël, il est en train de garer le Ditton. Ah là, il cherche. Attends, c'est un V8, un V12. Tu sais ce que c'est, Gaëtan, ça comme camion? Attends, je redémarre là. Dans une seconde, j'arrête, je redémarre. Ah, c'est un beau camion. Hein? Tu vois ce que c'est comme camion ou pas, ça? Non. Ah merde, c'est un léger, tu vois pas celui-là, c'est un léger. Bon, et ça? Non? Ouais, c'est non un 12 chevaux celui-là. Qu'est-ce que tu racontes, Sandro? 12 chevaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais aussi, tiens. C'est-à-dire que déjà, elle arrive pas à conduire sa vieille Opel, alors il va. Imagine la smirmorque. Je suis un pilote, moi, je conduis trop. Ah ouais, bien. Bon, on fera des photos de son bolide. Non, non. Hein, vous verrez à quoi il ressemble le bolide non, avec son pilote. La carrosserie, elle est un peu, voilà, elle est un peu détraquée, mais. Mais il y en a plus! Il y a ça. Plus de carrosserie, elle est toute seule en fait. Il y a le canapé, il y a le fauteuil pardon qui avance tout seul. C'est ouf, c'est mais improbable. Je l'aime, ma voiture. Ouais, bah elle t'aime pas. Hein. Bon, Gaëtan, donc du coup, tu veux des conseils pour savoir s'il y en a qui ont peut-être déjà déménagé vers la Belgique, hein, de France en l'occurrence, vers la Belgique. Voilà. Et puis éventuellement, s'il y a peut-être d'autres qui ont suivi leurs copains, leurs copines à l'étranger, bah comment ça s'est passé? Ou même si vous êtes étranger et que vous êtes venu en France ou en Belgique, comment ça s'est passé au niveau de bah des, enfin pas des papiers à la limite, ça on s'en fout, mais voir un peu comment est-ce que vous avez fait pour pour comment s'adapter surtout parce que c'est tu passes dans un autre pays, c'est pas la même chose. Ouais, voilà, c'est pas, les gens c'est, sont c'est différents, pas facile, ouais. La culture est pas la même quoi. Voilà, c'est ouais. Ça surtout que j'ai un pote, il va faire venir sa copine qui habite en Thaïlande ici. Comment vous expliquer qu'elle va vivre le changement climatique. Ouais, ça va être violent. Hein, le changement climatique où t'es en Thaïlande où il fait 35 degrés toute l'année, t'as du soleil quasiment tout le temps, et bon, arrivé ici, comment t'expliquer que ça va être compliqué quoi, et avec la bouffe. Neige, le froid, la bouffe, c'est une horreur. Les gens, surtout les Français quoi. Ah bah en plus. Bon bah Gaëtan, bah reste avec nous, on va reparler avec toi dans un instant, d'accord? D'accord. Bon bah allez, bouge pas Gaëtan. Est-ce qu'on a fait un topo là, Tof? T'as le nez sur Twitter là, c'est Avicii ou c'est Hardwell qui passe là? C'est Avicii je crois. Moi j'aurais dit Avicii aussi. Ouais, Avicii aussi. Bon bah vous avez encore le temps de la pub là pour vous décider là, vous mettez le hashtag Mickaël, puis vous mettez Avicii, ou alors le hashtag Mickaël et puis vous mettez le son d'Hardwell. Voilà, et puis on va faire un topo dans un instant aussi au niveau de la colle là pour vous envoyer direction Ibiza. Toujours là Mehdi? Toujours là. Bon bah très bien. A priori sera Avicii dans un instant hein, Mehdi hein. Ah bah super. Ah bah voilà, bien. Je sais que tu étais content donc bah tant mieux. Bon bah Mehdi, reste avec nous, retour avec Tyrone dans un instant, on va essayer de rappeler sa copine, voir si elle décroche maintenant. Et puis on va prendre Gaëtan aussi dans quelques instants. Là il a décidé de déménager en Belgique et il voulait des conseils. On fait ça dans un instant sur Fun, c'est Mickaël No Limit et on est là ensemble évidemment jusqu'à 23h. Profitez-en d'ailleurs, hein, puisque nous on est là dimanche soir, 20h-23h, on ouais. Est les seuls en direct, donc profitez-en bien. Et puis prévenez vos potes surtout aussi hein, qu'on est là tous les soirs 20h-23h pendant tout l'été sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Tous les soirs, Fun Radio. 20h-23h, nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct avec vous sur Fun Radio. Allez hop, et vous êtes en direct avec nous aussi hein, via Twitter et Facebook. Là, n'hésitez pas. Je vous parlais tout à l'heure là du toboggan là qui se trouve aux Bahamas. Et c'est juste une tuerie. Je l'ai mis la vidéo là sur le Facebook. Concrètement, en fait, vous êtes dans un toboggan. Ça, enfin, vous glissez dans le toboggan et en fait, vous arrivez dans l'eau qui est infestée de requins. Ça va faire peur. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on est hors du qu'on n'est pas dans un toboggan quoi. Qu'il y a des requins qui peuvent arriver à tout moment. Et donc, je vous demandais justement si vous aviez déjà fait ce genre de truc. Est-ce que vous auriez les couilles de le faire justement là, bah venez nous en parler. 01 42 48 5000 le numéro pour nous appeler d'où que vous soyez en France et 02 851 4x0. On parlera aussi des phobies là, parce qu'il y en a qui ont de la phobie des requins ou la phobie d'autre chose. Donc si vous voulez parler de ça avec nous hein, n'hésitez pas. Donc comme je le disais, 01 42 48 5000 ou alors tout simplement le 02 851 4x0 pour la Belgique. Bon, on l'avait promis tout à l'heure, on va se le mettre maintenant comme promis. Avicii sur Fun Radio. Allez hop, les découvertes sur Fun Radio évidemment, les meilleures nouveautés sont sur Fun avec Avicii. C'est Wake Me Up maintenant sur Fun. Bonne soirée, bon dimanche. Feeling my way through the darkness. Allez, Avicii sur Fun Radio, vous l'aviez choisi la Wake Me Up, ce sera c'était Wake Me Up. Il y aura tout à l'heure aussi Jason Derulo avec The Other Side et puis on va se refaire aussi dans quelques instants le Chéri je peux te faire cocu de la semaine dernière. D'ailleurs, on refera un nouveau évidemment demain soir à partir de 20h sur Fun Radio. Il y a Maxence aussi qui dit mort de rire Tof, je te kiffe. Fred qui dit moi j'ai aussi, la phobie Maxence. Des guêpes. Ah, il y en a plein pour l'instant là Fred là qui va envoyer son message sur Twitter. Mickaël qui dit Sandro futur chauffeur poids lourd V12 V12 égale 12 chevaux mort de rire, elle m'a tué. Ah bah ouais, non mais ça c'est clair. Hein. C'est-à-dire que ah bah s'il a tué tous les routiers qui nous écoutent. Ah ouais, si là-dedans il y a 12 chevaux, comment t'expliquer? Et Clara qui dit Sandro et son rire, Tof le pervers, Polo et ses blagues. Non, c'est Tof et ses blagues. Hein. Mickaël le boss, cette équipe est unique. Bah merci Clara, c'est gentil. Et alors vous Clara aussi qui dit unique. Tuning game, mais oui Sandra, t'inquiète pas, on te soutient. Ouais, je pense que c'est tout ce qui reste à faire. Hein. Merci c'est... pour le soutien. Et Siegfried aussi qui dit à chaque fois que j'écoute Wake Me Up, j'ai envie de foutre le bordel. Eh ben appelle-nous Siegfried là, 01 42 48 5000. Là. Venez foutre le bordel avec nous là, justement. Pour une fois qu'il y a une radio qui vous demande de foutre le bordel avec, avec eux là, bah, profitez-en. Et David qui dit Scania V12, 12 chevaux. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message je t'aime avec tes blagues, Toff? Ah, mais t'as un plan avec Clara, Toff. Mais écoute, Clara, on va s'arranger. Bon, on va rien du tout. Et Thibaut qui dit, moi, j'ai la phobie des serpents. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu peux me trouver un petit copain tant qu'on y est. Moi, je veux bien une glace. Ah oui, c'était par rapport à Mehdi avec sa colle, là, qui cherchait un mec en même temps. On va tout gérer d'ici quelques instants. Et avant, le chéri, je peux te faire cocu. Bah, justement, retour avec Mehdi. T'es là, Mehdi? Oui, tout à fait, je suis encore là. Bon, parfait. Alors, Mehdi. Bon, je rappelle que tu es là parce que tu veux tenter de repartir avec la caméra numérique et surtout avec le trip direction Ibiza, tout frais payé pour aller faire la teuf à la soirée qui dit surtout, c'est-à-dire la Fuck Me I'm Famous. Mehdi, on va donc y aller maintenant, on va appeler quelqu'un. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse à cette grande colle que tu as posée ce soir qui était je suis attends, c'est quoi c'est rappelle là, il fait En fait, je suis toujours noir, mais parfois je peux devenir blanche. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, eh ben, on appelle le ou la gagnante maintenant. Si il ou elle décroche et qu'elle il ou elle a la bonne réponse, évidemment, ce sera gagné. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Quelle magnifique musique. Hein. Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Oui, Johan. Johan, salut Johan. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et d'accord. Mehdi a une question pour toi. Là. Vas-y, pose-la, Mehdi. En fait, la question, c'est je suis toujours noir, mais je peux être blanche. Qui suis-je? Alors, pour moi, je répondrais la lune. Mehdi? La lune, il ouais. a dit? Ouais. C'est mort, c'est pas ça. C'est pas la lune? Ah là là là là là. Dommage, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, Johan. Désolé, hein. D'accord. Bon, bah, tu retentes ta chance quand tu veux, Johan. La nuit, excusez-moi, la nuit. Ah bah ouais mais mec Johan bah ouais mais c'est trop tard. Ah mais là c'est trop tard. Ah ouais là ouais non mais là Johan je suis désolé mais c'est trop tard là. Ah ouais. Avec ma femme. Ah bah oui. Ah bah tu vas pouvoir t'embrouiller avec elle ce soir. Ah, tu vas pouvoir t'embrouiller avec elle effectivement ouais effectivement. Bon et bah écoute c'est pas grave Johan. Tu retentes ta chasse quand tu veux hein. Et regarde, écoute. C'était un autre là qui va partir, la direction Ibiza, t'imagines? Alors que t'étais à deux doigts là, Johan, qu'est-ce que t'as foutu? Ben, parce que je parlais avec ma femme et Parce que moi j'ai ma chaîne qui s'appelle Belle Lune, si tu veux faire. Et quand je dis ça, la chaîne, elle dit, oh, je dis, bah, il faut que je leur donne la réponse, qu'ils me rappellent. Et ma femme, elle dit, non, c'est la nuit, dis pas la lune. Et puis moi, je dis la lune. Et bah voilà, et bah c'est perdu du coup. Hein. Ah, dommage, Johan, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, tu retentes ta chance quand tu veux, Johan. Peut-être demain ou après-demain, on va savoir. Oh là là, il était pourri que tu vas passer. Ah ouais, c'est la merde. Salut, Johan, et bonne soirée. Allez, à bientôt. On va quand même te filer. J'ai honte pour lui. C'est pas grave. Johan, on va quand même te filer la compil Starfloor, d'accord? Ok, je t'en remercie. Allez, salut Johan, ciao à toi. Et puis bah les autres, hein, si vous avez la bonne réponse, donc hein, du coup, hein, c'est plus facile déjà là. Donc je suis toujours noir, mais je peux être blanche également. Là, on vous laisse encore 10 minutes grand max jusqu'à 21h30 pour vous inscrire, vous envoyer la réponse. Donc je suis toujours noir, mais je peux être blanche également. C'est la colle de ce soir. Et bah vous envoyez la réponse, vous envoyez Mickaël au 74900 ou Mickaël ou 6322 pour la Belgique. Et puis ça marche aussi sur le Facebook, bien sûr, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, à tout de suite, Mehdi. T'avais écouté la semaine dernière là, le chéri, je peux te faire cocu? Ah non, pas trop, non. Ah bah, c'est l'occasion, là, ce soir. On va se le remettre maintenant. Ça vous donnera une idée de à quoi ça va ressembler demain. Donc, si vous voulez participer, il y a également des cadeaux à gagner, notamment des caméras numériques. Si vous voulez jouer avec nous, il suffit simplement de me faire un mail maintenant, mikl@funradio.fr. Écoutez, c'était la semaine dernière. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est Annie, ta copine. C'est ça, tout à fait. On y va, c'est parfait. Et donc, nous, on va couper les... ça, normalement, tu nous entendras plus. Hop. Ok. Là, tu nous entends plus, par exemple. C'est parfait. Allô? Oui, mon cœur, ça va? Oh, mon cœur. Oui, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bah, j'ai fini un peu plus tôt, donc je t'appelle hein, pour. D'accord. Donc voilà, quoi, pour prendre un peu des nouvelles et tout. Et oui. en fait, j'aimerais te dire quelque chose. Hier, j'ai eu l'airsoft, etc. Donc, ouais. Et après, j'étais avec Guillaume à la piscine de la CoPro. Oui, bon, et ouais. Puis, en fait, j'ai eu. Il y a eu tout le monde qui est arrivé, etc. Et puis il m'a présenté une de ses copines. Et on a beaucoup discuté ensemble, etc. Et puis en fait, elle me chauffait, elle me disait littéralement qu'elle avait envie de moi, etc. Donc j'ai de suite refusé. J'ai dit c'est pas possible, je suis en couple, ça fait 3 ans et demi, j'ai pas envie de niquer mon couple pour ça, quoi. Donc Et le truc, c'est que, en fait, j'ai dit, mais après, si ma copine serait d'accord, ça serait... Enfin, voilà, quoi. Pardon ? Ouais, excuse-moi. Tu te fous de ma gueule, là. C'est bien une autorisation. Est-ce que... Non, est-ce que... Deux secondes. Est-ce que tu te fous de ma gueule ou pas ? Non, mais mon cœur, je te dis juste que j'ai pas envie de te faire ça. Oui, donc en gros, là, t'es en train... Là, deux secondes. Là, t'es en train de me demander l'autorisation que tu me trompes. Je préfère te demander l'autorisation plutôt que tu le fasses. Tu connais une femme qui va te dire oui, toi, dans ta vie ou quoi? Tu sais, on a passé beaucoup d'épreuves ensemble et tout, et je pensais que ça te dérangerait pas. Mais attends, épreuve, ça va, non? Je suis pas un ange, hein. Il n'y a pas écrit poire sur mon fond. Je sais bien, mais bon, écoute. Vas-y, je voulais en discuter, voilà. Avec toi, etc. Tu vas en discuter avec une autre meuf, moi, je te le dis, hein. Joanne. Mais mon cœur t'énerve tu pas. Tu fais ça, non mais attends deux secondes, tu Joanne. Fais ça, moi tu me quittes pas. Hein? Joanne. Oui. Ça va là. T'es avec qui là? Elle est à la maison là. Elle m'a rejoint et elle attendait que je l'appelle, enfin que je t'appelle pour. Je te ta gueule deux secondes, parce que là je crois que je vais prendre l'un et l'autre pour taper sur les deux, tu vois ce que je veux dire? Elle va bouffer le sol et toi je t'explique, je vais te castrer. J'ai mon cœur, j'ai pas encore bu d'alcool, je te promets. Vas-y, demande-lui s'il a demandé. Mais je m'en cague, ça suffit. Pourquoi t'as fait gérer cette pute là? Dis-lui, t'es bon, t'as fait. Parce qu'on a bien ça. On a bien ça. Et attends, 30 secondes, je suis encore en train de négocier. Ah, tu négocies? Non, mais attends. De quoi? Oui. Dis-lui de fermer sa gueule, sinon dis-lui de fermer. Bah, c'est bon, respecte un peu la fille quand même, la respecte-la un peu. Non mais attends, c'est à qui de respecter l'autre? Non mais tu fais ma gueule ou quoi là? Je peux lui dire qu'elle est cool, elle est super open. Chapeau. Non mais elle est folle, quoi? Non mais mon cœur, je vis, Non mais il n'y a pas de mon cœur qui tient là, t'es en train de me demander avec une poussière qui est à côté de toi. Attends, je te dis, tu la vires. Tu la vires, sinon c'est moi qui vais la virer, je te jure. Mais mon cœur. Bientôt. Bientôt. Pardon. Mon cœur, s'il te plaît, ça va. Pardon. Mon tu cœur, te fous ma gueule, donc là tu vas me dire que pour au bout de 3 ans et demi de relation, t'es là, et tu me demandes l'autorisation d'aller coucher avec une autre meuf qui est déjà à la maison et qui attend que ça. Écoute chérie, tu peux lui dire qu'on lui enverra des photos, hein. Franchement si elle est open... Ouais, pourquoi des pas, photos. À la limite, tant qu'à faire. Joanne, explique-moi, mais là t'es en train d'écouter qui là? T'es en train d'écouter cette meuf ou moi? Par contre elle a une grosse voix, je l'entends. Hein. De quoi? Elle a une grosse voix, hein, ta copine, je l'entends. Elle porte loin, ouais, c'est sûr. Je vais vous porter, mais alors là, mon coco, je vais prendre l'un, je vais vous défoncer tous les deux. Calme-toi. Oh, mais arrête déjà, pas de mon cœur qui tient, moi, je te dis. Tu couches avec elle, on n'est plus ensemble, stop, maintenant, d'accord? Mais c'est pour ça que justement, je suis en train de me saouler, stop maintenant. Ouais, elle, vous fermez la gueule. Pénélope, attends 30 secondes, s'il te plaît. Pénélope, bon cul, ouais. Mon cœur. Passe-la moi, Joanne, je vais lui faire un béco quand même. Ouais, vas-y, tiens, parle-lui. Oui, allô? Oui. C'est bon alors? Franchement, oui. Quitte cette maison. Qui ça? Non mais ça suffit, je vais vous niquer tous les deux. Ça suffit maintenant. Ah, tu veux te joindre à nous? Ta gueule maintenant, toi. Ferme ta gueule, toi. Je te connais pas, tu fermes ta gueule. Ah oui, t'es un peu vulgaire. Oui, un peu. Annie, ouais, calme-toi, s'il te plaît. Non mais toi ta gueule derrière, parce qu'il n'y a rien à entendre. D'ailleurs, que t'appelles chérie, cette meuf, elle t'a vu hier. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Mon cœur, tu me dis, si je le fais, tu me quittes, mais c'est justement parce que je t'aime que je te dis que je veux te prévenir, etc. Oui, et toi tu crois que parce que je t'aime, je vais t'autoriser à aller voir une autre chatte, c'est ça? C'est pas une chatte. Ah, mais oui, non, mais c'est quoi alors Bon chérie, c'est oui ou non? À la limite, bon, hein, tu vois, oui, c'est oui ou non, elle est un peu chiante, hein. Et c'est qui le mec là derrière? Hein? C'est bon ou c'est pas bon là? Je crois que ça doit être bon là. Voilà, très bien. Bon je vais enlever ma culotte. Vas-y, tu peux. Très bien. Moi, j'arrive. Bon attends, Joanne, si tu veux, va voir avec Pénélope là. Je m'occupe de la petite. C'est qui le mec là derrière? Salut Annie. Oui. Moi je suis le mec de Pénélope. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Voilà. Allez, donc non mais c'est parce qu'il est occupé là. Il est occupé, donc je prends un peu de temps avec toi, quoi. Michel, ça vous ces sous-vêtements là? Non voilà. Ça va pas le faire là. Non, pas du tout. Ça va pas le faire. Vous dégagez. J'ai plus tard. Ah non, mais là c'est trop tard. Là, on est là. Une fois qu'on est installé, moi après, je suis pas venu avec le trépied et tout ça pour rien, quoi. Moi, Michel, nous on filme. Hein. Blanc ou noir? On met le blanc. On mettra le noir après éventuellement. De toute façon, on s'en fout. On va l'enlever. Passe-moi, mon chéri. Allô. Oui, du cul. Oui, mon cul. Je vais t'expliquer un truc. Là, ouvre ta gueule. Ta gueule maintenant, c'est bon. Ou tu fais un truc, c'est que tu prends les deux. tu les vires ou je viens moi et je te casse trop les couilles, c'est bon? Et j'en fais des autres plans après. C'est bon ou pas? Oh, dis donc, elle a l'air violente ta copine, elle veut te casser les couilles. C'est, mais non, mais attends, laisse-moi faire mon truc quand même, mon cœur. Et en plus, dis donc, elle est quand même gonflée, tu lui demandes l'autorisation alors que tous les autres mecs là, ils demandent même pas l'autorisation, tu lui demandes et c'est encore toi le con. Mon cœur, c'est parce que je t'aime que je fais ça, sérieusement. Oh, bah, oui, c'est parce que tu m'aimes, c'est la meilleure, hein, ça, mais, oh, mais. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a, dis-lui. Eh, dis-lui qu'elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Sérieusement, tu te rends pas compte. Il y a beaucoup de mecs qui t'auraient trompé par derrière comme ça. Et devant aussi. Et elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Eh, dis-lui qu'elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, ni sérieusement, de m'avoir. Dis-lui, Michel lui dit qu'elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. T'inquiète pas, Michel, elle t'entend, t'en fais pas. Non, mais répète-lui quand même. J'avoue. Non, mais il va fermer sa gueule, c'est normal. Comment ça t'amuser toute seule, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle dit? Ta gueule, elle... mais. Elle dit qu'elle en peut plus, là, je pense. Ah non, j'en peux plus de vous, là, franchement, j'ai envie de vous défoncer tous. Moi aussi, j'en peux plus, j'en ai marre d'attendre, hein. Bah, commence, Pénélope, j'arrive. Bah, commence, oui, c'est déjà commencé depuis un quart d'heure. Ouais, je sais. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Bon, et est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a? Je pense pas, j'ai pas l'impression. Ah, bah très bien. Oui, très bien. Elle se rend compte mais ou pas? Mais vous êtes des tarés, hein. Mais oh, attends, t'es sérieux quand même? Tu vas me dire que c'est Gitch qui t'a présenté ces gens-là? Bah ouais. Un peu de musique, Michel. T'es sérieux? Lui, il fréquente ce genre de con. Alors, je veux bien que lui aussi, il ait fait ses plans, mais maintenant, stop. Je sais bien, mais bon, tu sais, je lui parlais hier. Oui, donc en gros, ok, donc là, en gros, là, tu vas me faire cocu, ouvertement. J'ai mis un peu de musique. Je t'ai prévenu, mon cœur. Ah ouais, bah oui, t'es prévenu. Bah, de toute façon, déjà, on va commencer par un truc. Déjà, on n'est plus ensemble. Hein, qu'on commence par. Oh là là, qu'elle est relou, on est pas dans le détail. Calme-toi, pars pas dans ce délire. Johan, ouais. Johan, c'est Michel. Dis-lui, si elle veut, moi, je veux bien coucher avec elle pour se venger, hein. Bon, bah, j'imagine t'as entendu. On est en haut-parleur. Tu trouves ça drôle? Ah, moi, ça me fait rire, ouais. Mais Michel, c'est un grand fêtard. Pourquoi l'autre il se met dans notre conversation comme si je parlais à lui? Oh, ça va, je suis un comique. Ça va. C'est le mec de Pénélope. Dis donc, et que je lui propose de coucher avec elle, est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a? Non, elle se rend pas compte, comme d'hab. Hein? Non, mais c'est bon, Annie, stop, ça sert à rien. Annie, toi, mais tu veux quoi? Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Bah, franchement, vu ta voix, je pense pas, parce que c'est déjà que t'as une voix de merde, alors en plus, si ta voix, elle ressemble à ton corps, franchement, ça va pas être très beau, alors on dégage. Quelle agressivité, quand même. Oui, mais bon. Annie, dégage, toi. Johan. Ouais. Annie, pardon. Annie. Oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Mais oui, ça va, c'est le premier en plus, là. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Bon, visiblement, ça n'a pas bien marché, hein. Oui. Oui, c'était un jeu, hein. C'était pour rire, Annie, hein. Lui, il est chez lui, nous, on est chez nous, tout le monde est. Enfin, chacun est chez soi, quoi. Les moutons sont bien gardés. Un coup de dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000. Ouais, et c'était le premier d'ailleurs, le chéri. Chéri, je peux te faire cocu. C'était lundi dernier. On fera le deuxième demain. Donc, si vous voulez participer, choper votre caméra numérique également. Hein, si vous arrivez à rendre fou votre copain, votre copine, eh ben, on fait ça demain. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. mickaël@funradio.fr. Il m'a saoulé, Michel. Là. Ah, il est bon. Tu te rends compte de la chance que t'as? Voilà, il y a Jimmy qui dit je suis plié avec elle, elle sait pas la chance qu'elle a, je suis mort de rire. Il y a Benoît aussi qui dit Michel le gros lourd, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Wendy qui dit elle se rend pas compte de la chance qu'elle a, pareil. Let's be free qui dit c'est parce que je t'aime que je fais ça. Ah ah ah, c'est clair. Le mec il était pas gonflé du tout, ouais, c'est clair. Bon bah du coup on fera ça demain, il y a pas de problème, on va récupérer dans un instant Nicolas là qui se fait exploiter par son boss. Et il y a plein de conseils qui arrivent aussi sur Facebook, alors des beaux conseils hein. Les premiers que je viens de voir là, va au prud'homme. Regarde comment tuer son boss, ça donne des idées. C'est Hortense qui avait dit ça. Stéphane qui dit il faut ignorer la personne et ne pas lui parler. Ouais, mais c'est son boss en même temps. Il y a Steve qui dit tu vas pas garder le boulot longtemps, c'est sûr. Anthony qui dit un coup de tête direct. Nicolas qui dit je propose la décapitation. Bon, si vous avez des vrais conseils, n'hésitez pas à vous les balancer maintenant. Ça se retourne contre lui au final. Ouais. Hein, il doit aller à la gendarmerie bientôt, il nous expliquera ça. Un petit peu. Donc on fait ça dans un instant sur Fun Radio. Et puis on écoute maintenant Jason Derulo tout de suite avant de reprendre Nicolas. C'est The Other Side. I never thought it would. C'est Fun Radio avec Jason Derulo à l'instant. Et puis il y aura David Guetta que je vous cale aussi dans quelques instants là. D'ailleurs, en parlant de David Guetta, on vous envoie toujours à Ibiza si vous avez la bonne réponse. Et on va prendre le gagnant dans quelques instants aussi. On va rappeler Mehdi d'ici quelques minutes là pour voir un peu comment ça se passe et savoir qui va partir aussi direction Ibiza et qui va choper eh ben, les entrées pour la Fuck Me I'm Famous. Ce sera dans un instant sur Fun Radio. D'abord, et avant de reprendre Nicolas qui s'est fait exploiter par son boss, on a Guillaume qui est arrivé là. Guillaume du 81. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Ça va? Ah, ça va et toi? Ouais, impeccable, ouais. Bon, il y a des messages qui sont arrivés. Tiens, il y a Clara qui dit, écoutez, Mickaël, c'est la solution parfaite pour oublier le stress pour le code demain. Merci d'être là. Ah, t'as le code demain, Clara. Bah, bonne chance, alors, Clara. Et tiens-nous au courant, hein, si jamais tu le rates. Essaie de faire une petite photo, là, de toi en train, bah, pas en train de rouler, mais, parce que sinon, tu vas te faire gauler directement. Mais, c'est genre, si tu fais une petite photo, là, qu'on puisse la mettre sur le Facebook pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Surtout quand t'auras la réponse, hein, pour voir si t'as réussi ou pas. Ah. Clara aussi qui dit, trop bon le jeu, là, le chéri, je peux te faire cocu. Bon, on jouera demain, comme je le disais, si vous voulez jouer. Il y a des appareils, des caméras numérique est gagné, il suffit simplement de vous inscrire, hein, M-I-K-L les 4 lettres, @funradio.fr. Et puis il y a aussi City of Angels qui dit je suis coulorophobe, c'est-à-dire j'ai la phobie des clowns. Ah ouais, ça c'est con ça pour le coup, hein. On parlera de ça, de des phobies. Il y a plein de gens phobies, qui ont là. Peur des clowns, c'est vrai, hein. Bah ouais, je sais, ouais. On parlera des phobies là. Bah ça dépend, après il y en a qui ont peur juste parce qu'ils ont peur, quoi. Oui, mais après il y en a aussi avec Stephen King, c'est possible. Let Be Freaks aussi qui dit, fait trop chaud dans le sud, ne venez pas, lol. J'en ai marre des touristes trop nombreux sur les plages. Ah bah ouais, mais ça après ouais. Ça c'est le problème du sud, hein, après, hein. Bon, dans le Guillaume, nord, ils ont pas ce problème. Ah, dans le nord, il y a pas de problème avec ça. Personne, hein. Là-bas. Tranquille, tranquille. Et un message de Tej qui dit envoie-nous la photo avec les menottes. Bah elle est dessus là, elle est sur le Facebook, là, facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Guillaume là, t'appelles pourquoi? Ben, en fait, je t'explique, je suis passé sur Fun là, l'autre soir, je crois que le sujet c'était qu'est-ce qu'on ferait si on était millionnaire. Ouais, exactement, ouais. Voilà, et j'avais dit que je rachetais la gendarmerie et le commissariat de Tulle parce que c'était des abrutis. Ouais, mais t'avais dit, ouais, mais c'était idiot là, tu lui dis, ouais, j'avais fait une connerie, j'avais fait un excès de vitesse, ils m'ont arrêté, c'est des connards. Ben non, mec, tu roulais trop vite, hein. T'as fait de la merde, c'est ta faute, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, le truc c'est que hier j'étais en ville avec des potes. Ouais. Et bah, ils étaient, en plus ils étaient tous bourrés dans la voiture, donc je t'explique pas le bordel. Ah bah oui, en plus et, tu tends le bâton, hein. Bah, moi, voilà, là c'est l'alcotest qui l'a attendu. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, en fait voilà, il me tend l'alcotest, il prend mes papiers, puis il fait regarde, il fait 81, vous avez 25 ans. Je fais oui, c'est ça, pourquoi? Il fait c'est vous qui vous amusez à balancer les injures pour la police municipale. C'est bon ça. Là, ça c'est bon, ça, regarde, ça c'est bon. J'étais dépité, mais c'est pas possible, ils écoutent Fun en plus, quoi. Eh bah ouais, mais évidemment, la police est cool. Eh bah la police est cool, apparemment, tout. Tu vois, tu dis que c'est des connards, en fait, c'est des mecs cool. Voilà, ils ont bon goût, ces gens. C'est ça. Ouais, enfin bon, du coup, ils voulaient mettre une amende pour. Comment ils appellent ça déjà? Pour outrage à agent, ouais. Bah ça, ils peuvent pas, c'était par téléphone, donc je pense pas qu'ils puissent. Ouais, mais ils avaient bien le droit de le faire flipper un peu. Ouais, c'est clair, mais ils ont bien eu raison. Bah, en même temps, tu vois, mais c'est normal, Guillaume. Alors, tu te fais arrêter par les flics parce que t'étais, je sais pas, tu fais aucune infraction et ils ont juste envie de te faire chier. Là, tu peux dire, ouais, putain, c'était vraiment des connards. Mais non, quand mais tu ça fais. Passe toujours comme ça, sérieux. Non, ça mais pas tout, non, mais d'accord, mais ça se passe pas. Non, mais Guillaume, mets-toi à leur place aussi. Ça se passe pas toujours comme ça non plus, tu vois. C'est-à-dire que, parfois aussi, ils arrêtent des gens qui sont comme toi en train de faire une infraction et puis les mecs sont en train de se rebeller en disant, mais mec, t'as fait une connerie, assume. Maintenant. Ouais, ouais, non, mais il y a des conneries que je fais, franchement, je les assume, mais il y en a d'autres, faut arrêter, quoi. Bah, là, tu l'assumes pas, puisque t'as dit que c'est des connards, alors qu'en fait, ouais, t'avais fait une connerie. Non, mais c'est des connards, parce que j'ai eu des amendes, mais t'imagines même pas, une fois. Mais oui, mais c'est normal. Bah oui, mais c'est la règle. Tu sais, si tu roules à 200 sur l'autoroute, à un moment, faut pas te plaindre que t'as plus le permis. J'avais monté un pot sur ma voiture, tu sais, t'es jeune, t'es con, tu montes n'importe quoi, ça faisait du bruit. Ouais. Puis le flic, il me dit, je vais l'avoir, comme il dit, d'origine sans ce pot. J'enlève le pot, la voiture était comme sortie de l'usine. Ouais. Et là, il me regarde, il fait encore trop de bruit, votre voiture. Je lui regarde, si vous fasse quoi, je monte un moteur, je monte des pédales, qu'est-ce que je fasse? Ah, mais s'il faisait ce bruit-là aussi, quoi que là, ça va, là, encore, hein. Ça, c'est un beau bruit, ouais, ça. Là, c'était un beau bruit, c'est un quoi, ça, Sandra, ça? Ça, c'est un quoi? C'est un 15 chevaux, ça? Ah, non, pour moi, ça, c'est une tondeuse à gazon. Ça, c'est une voiture, Sandra. Une moto, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi comme bruit? Un tracteur. Un tracteur, bien sûr. Et ça? Ah, ça, c'est une pioui. Mais dans quel monde tu vis, quoi, sans déconner. Puis bon. Oui, on voit qu'elle vient de la cité, hein. Ah ouais, c'est une pioui. Et oui. Et donc, Guillaume, alors, comment ça s'est passé après, alors? Ben, du coup, il y a pas longtemps, j'ai éclaté un pneu. Ouais. Et comme j'ai pas pu mettre le même pneu que l'autre sur la roue opposée. Ouais. J'ai monté un vieux pneu pourri. Tu sais, j'ai un papier du garage, comme quoi j'étais bien passé pour commander le pneu. Et là, il a commencé à me péter les couilles pour ça. Je me suis dit, pas possible. Et en fait, ça a m'a regardé une demi-heure, quoi. Les autres, ils étaient morts. Bah ouais, mais oui, mais c'est normal. Pour le coup, tu c'est dangereux. Le mec, après, il profite. Ouais, mais en plus, c'est dangereux pour le coup de rouler avec deux pneus qui sont pas les mêmes. Donc, le mec, au final, c'est pour ta sécurité. Alors, il t'a peut-être pris la tête, hein. C'est pas ça, mais au final, c'est pas pour te faire chier. Enfin, si, peut-être un peu. Si, un peu. Mais, mais tu vois, à la base, c'était pas, voilà. Bah, écoute, alors, Guillaume. En tout cas, ils ont l'air de bien te connaître, hein. Exactement. Alors, Guillaume, c'est le moment de t'excuser. Ah ouais, bon, excuse. Ouais, juste pour ce flic, alors. Non. Monsieur l'agent, je vous prie de m'excuser. Voilà, monsieur les agents, moi, Guillaume, abruti de Gaillac dans le 81, m'excuse auprès de vous. Allez, vas-y. Oh non. Allez, vas-y. Guillaume. Allez, Guillaume. Allez, vas-y, attendez, on l'a pas entendu du coup. Vas-y, répète. Je m'excuse, monsieur le policier. Eh ben voilà. Voilà, tu vois quand tu veux, Guillaume, là. Tu vas voir que demain soir. Ça, c'est quand même une sirène de merde. Voilà, ouais. Demain soir, elle va nous appeler pour excès de vitesse, tu vas voir. Ah ouais, on est pas à l'abri qu'il fasse encore une connerie. Bon, bah, Guillaume, allez, porte-toi bien, tu reviens quand tu veux sur Fun. Passe une bonne soirée, Guillaume, dans le 80. Et fais attention à la police, arrête un peu de désénerver, là. Après, ils vont encore nous appeler, ça va être un bordel. Allez, restez sur Fun Radio dans un instant. On récupère Nicolas là qui se fait exploiter par son boss. Comme promis, on va le reprendre. On aura Gaëtan qui voulait déménager en Belgique pour aller rejoindre sa copine. Et puis vous en direct, hein, si vous voulez discuter, foutre le bordel avec nous. On est là jusqu'à 23h et bienvenue, profitez-en. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard où que vous soyez en France. Et 02 851 4x0, ça c'est pour la Belgique. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël, no limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. D'ailleurs, il y a un message qui est arrivé de Diana qui dit j'adore nos limites. C'est jusqu'à quand? Ah bah c'est jusqu'à. Voilà, il y a pas de date de péremption, hein. Voilà, on est là tous les soirs, vous inquiétez pas. Jérémy aussi qui dit sur la route des vacances dans la voiture peut te dire à côtelette c'est que sa paupiette l'aime. Qu'est-ce que c'est que ces surdons, Jérémy là? T'es sérieux avec côtelette là? Sans déconner. Et puis un message aussi qui est arrivé, tiens, pour le mignon de Sandro, ce sera un mignon avec un pot de Nutella et le téléphone dans la main. Ah bah vous verrez, tiens, c'est vrai qu'il y a Seb, un auditeur qui nous a dessiné en mignon. Il y a mon mignon qui est sur le Facebook, là, facebook.com/michaelofficiel. J'ai mis celui de Toff et je vais placer aussi celui de Polo dans quelques instants. Donc si vous voulez aller voir ça et faire vos likes, n'hésitez pas. Et alors en parlant de like aussi, il y a un auditeur là, une auditrice pardon, qui vient de m'envoyer une photo, c'est Marion, je sais pas d'où, mais qui vient de m'envoyer une vidéo, je dis n'importe quoi, par mail avec un chat qui ravage un appart. Enfin ravage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir la vidéo, vous allez voir. Hein, ça, c'est un peu dans la même. C'est aussi surréaliste que la vidéo que je vous avais mise jeudi avec la meuf qui se brûle les mains avec son fer à cheveux là. Ah oui. C'est hein. Qui a pris son fer elle à cheveux pour chanter, un micro. Ouais. Voilà, elle se brûle les mains, mais c'est dans le même délire en fait. Ça fait aussi, ça hurle quoi. Donc je vous la mets. Maintenant la vidéo là du chat, on en parle juste après. C'est sur le Facebook que ça se passe, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez voir ça, on en reparle juste après. Le son maintenant de David Guetta sur Fun Radio là. David Guetta avec Ain't a Party sur Fun. Bonne soirée tout le monde, c'est dimanche soir et on est en direct jusqu'à 23h. C'est Mickaël No Limit. C'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chit chat. Alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chit chat. Ouais, et je rappelle que le mec qui disait ça justement là. Hein, alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chic tchac. Et ben c'était le journaliste sur la RTBF en Belgique qui était donc Tomorrowland. Hein, c'est lui qui devait se charger d'expliquer un peu ce qu'était Tomorrowland, un peu de boum boum et de chic tchac. Je pense que là on était bien. Oui, bah il a bien saisi ce que c'était comme événement. Ah ouais, Tomorrowland, là je pense qu'il a bien capté le bordel, effectivement. Il y a Wendy aussi qui dit Mathilde a choisi le son boum boum chic chac. Mathilde s'y connaît en bonne musique. Effectivement, Wendy, je te le confirme, elle s'y connaît plutôt pas mal. Bon, alors plein de messages qui sont arrivés par rapport au chat. Alors je vous explique le délire en fait pour ceux qui ont pas internet. Si vous voulez, c'est une meuf qui est en train de jouer avec son chat, un petit chaton quoi, donc elle fait mumuse avec sa main, le chat essaie d'attraper la main, enfin bref, un chat, jusqu'au moment où le chat pète une durite et il commence à courir dans l'appartement. Et là il y a l'ordinateur portable qui tient sur le rebord du canapé, et donc forcément le chat se dit Je mets une patte sur le clavier, l'autre patte sur l'écran et il marche. Résultat, l'ordinateur est dans un état dramatique. Et donc on entend bien la meuf en train de gueuler. Non, en train de gueuler. Donc voilà. Donc merci à Marion qui nous avait envoyé ça. Et allez voir ça donc sur Mikael officiel hein, sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Il faut qu'on ait Mehdi aussi là pour la réponse dans quelques instants là. Ouais, il décroche plus. Hein. Ah, il décroche plus. Mais là, il a répondeur direct. On t'a mis en blacklist. Tu ne passeras plus jamais. Mais arrête, non, ça se trouve il a un problème de batterie là. Bon, c'est pas grave. Toute la journée, je leur dis de faire. Mais écoute, ça peut arriver. Oui, y a pas de problème. C'est pas grave. Bah, du coup, on va rappeler le gagnant. Enfin, on va appeler le gagnant ou la gagnante. Hein. T'as la bonne réponse au moins, Sandro, là, au standard. Il t'a laissé avant de se barrer. Ouais. Non, mais j'avais trouvé de moi-même. C'est comme le camion, le V12, tout ça. Alors. Allez, il faut que ça décroche maintenant. Lui ou elle qui partira peut-être direct. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Greg, salut Greg, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio et je t'appelle. Salut Greg, et je t'appelle parce que normalement on devait avoir Mehdi mais il décroche plus, je pense qu'il a senti le coup fourre arriver là. Je suis toujours noir mais je peux aussi être blanche. Alors qu'est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la nuit. C'est la nuit et c'est la nuit. C'est bon? Attends quoi? C'est la nuit, c'est la bonne réponse ou pas? Oui c'est ça. Voilà Greg. Écoute, tu repars donc maintenant avec la caméra numérique. Hein, ça c'est fait, c'est pour toi. Et alors jeudi on fera un tirage au sort parmi les 5 gagnants de la semaine et peut-être que tu partiras direction Ibiza à la Fuck Me I'm Famous. Tu partiras avec qui Greg? Merci. Pardon? Tu partiras avec qui? Avec ma copine, je pense. Ah, avec ta copine. Bah oui, ça va tirer la gueule si tu pars sans elle, hein, je pense. Hein. C'est clair. Ouais, il a chance, ouais. Bon, pas de problème Greg. Reste bien au standard. On va prendre tes coordonnées dans un instant et puis on va t'envoyer tout ça quoi. Greg? Ah non, mais attends, mais Sandro, elle dégaine plus vite que. J'ai même pas le temps de lui dire au revoir qu'il est déjà au standard. Oui, alors, je vais prendre tes coordonnées parce que c'est compliqué à faire. Hein. Sinon, je suis occupé toute la soirée, donc faut que je prenne tes coordonnées tout de suite. Pas du tout, je suis dynamique, c'est tout. Ouais, c'est ça. Greg, je te disais donc, passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Très bien. Bonne soirée. Salut, d'accord. Greg. Ah, il est au taquet. C'est ça, hein, je travaille bien. Ah ouais, c'est ça. C'est efficace. Bon, Nicolas qui est de retour. Allô, Nico? Oui. Bon, alors, tu vas bien, Nico? Ça va. Bon, ça a l'air. Hein. Bon, Nico, là, t'appelles du 45 dans le Loiret, toi. Et donc, tu nous appelais parce que tu t'es fait exploiter par ton boss. Oui. Bon, alors, explique-nous peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu bosses dans quoi? C'est un travail genre à long terme ou c'est un travail d'été? Non, c'était un travail à long terme. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais dans la restauration. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai été exploité et menacé même. Ah, carrément, menacé? Mais il te menaçait de quoi? Il te menaçait de quoi? Des choses quoi. Si je faisais pas les trucs, s'il m'arriverait de certaines choses, par exemple, comme j'ai des potes, je vais juste dire un truc, hein, j'ai des potes qui sont arabes, juifs, j'ai rien contre ça. Et le problème c'est que le compas de la patronne me disait par exemple, il me dit ouais tu te rends compte, tu vas te faire coiffer chez un arabe. Ah mais il est raciste en fait, c'est juste ça. Ouais, il y avait ça, plus autre chose, mais par exemple. Attends, tu peux porter plainte, hein, si c'est un vieux raciste, enfin tu vois. Déjà, c'est quoi comme boulot? Enfin, donne pas l'enseigne, mais je veux dire, c'est quoi? C'est genre serveur ou... J'étais cuistot. Cuistot, d'accord. Ah bah non, mais voilà, mais après, il faut pas avoir peur de porter plainte. Pour le coup, il y avait un bon message qui est arrivé qui disait « Les prud'hommes, c'est Alice qui disait ça, mais il faut prendre son mal en patience, c'est très très long. Je suis en plein dedans, donc je sais de quoi je parle, courage à lui. En tout cas, bah Alice, très bien que tu nous appelles au 01 42 48 5000 si t'es en France, ou 02 851 4x0 là pour qu'on puisse parler avec toi. Il y a Lissandro aussi, enfin c'est Sophie plutôt, qui dit « Fait en sorte que le boss lui donne un renvoi de façon à garder ses droits. Réorganisation du personnel, par exemple. Thibaut qui dit « Pendant la période scolaire, Mickaël devrait être là comme pendant les horaires de vacances, Thibaut. » Bah, merci Thibaut, on sera là, t'inquiète pas là. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Le tuer, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée hein, en même temps de tuer son patron. Hein. Non, vraiment pas pour le coup. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre là que c'était... est-ce qu'il se rend compte que c'est un trou du cul? Bah ouais, parce que moi j'y suis déjà allé plusieurs fois pour récupérer mon salaire. Par exemple, ce qui était drôle, c'est qu'ils m'ont fait ma fiche de paye et que mon contrat, j'ai eu que le 11. Le 11 de ce mois-ci. Enfin, ouais. De l'autre mois, quoi. Mais t'as commencé quand? Moi, j'avais commencé en extra. Ça fait plus de 10 ans que j'étais dans la maison déjà. Ah, et t'as reçu ton contrat seulement il y a 3 jours? Ouais. Attends, t'as bossé 10 ans, mais comment alors? T'as bossé 10 ans en black? Je suis le fisc. Bonjour, je viens chercher ma part des 10 ans. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, j'étais déclaré. Ouais. Par exemple, quand je sortais de la plonge en extra pour aller travailler dans la discothèque de son mari, j'étais pas payé. D'accord. C'est-à-dire pour frotter des fauteuils, pas payé. Ouais. Pour poser du parquet dans l'entreprise, pas payé. Pour faire du crépi, pas payé. Ouais, mais excuse-moi, Nicolas, mais bon, t'es un peu con là pour le coup quand même, hein, de faire tout ça gratos à chaque fois. Ouais, mais c'est qu'en fait, j'avais pas le choix parce qu'en fait, soi-disant, avec ma patronne, on aurait passé un contrat alors qu'il n'y a jamais eu de contrat pour ça. Par exemple, même faire des chambres d'après-midi, ça, c'était pas mon rôle à la base. D'accord. Ouais, ouais, mais voilà, mais à un moment, il faut dire non, tu vois, tu vas pas dire oui à chaque fois. Même si le mec, en plus, alors déjà, tu lui rends service, en plus, c'est un trou du cul qui est raciste. Genre, il y a un moment, faut le remettre à sa place, faut lui dire les choses. Ah, mais c'est ce que je vais dire. Et il y a un message de Fred qui dit lui dire bonjour, faire ses 8 heures et débrancher le téléphone à la fin de son taf. Mais surtout ne pas se rendre malade, pour ça, bah clairement. Il y a Eddy qui dit tais-toi et bosse, le patron a toujours raison, c'est comme ça. Chut, mais arrête un peu, Eddy, n'importe quoi. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai, il a pas toujours raison. C'est pas parce qu'il a le pouvoir qu'il a raison. Ça se saurait si tous les gens qui avaient le pouvoir avaient raison, hein. C'est dans l'équipe, c'est comme ça, hein. Oui, c'est vrai, non, mais moi c'est différent. Ah, pardon. Hein? D'accord. Allez me chercher un coca, bande de chiens. Tu vois, c'est comme ça qu'il te parle ou pas? Des fois presque, ouais, c'était presque comme ça, quoi. Ah, tu vois, parce que Toff il a bien compris, là, voilà, il part chercher un coca. C'est normal. C'est lui qui va payer, en plus. Bah oui, attends, c'est normal, c'est juste logique. Il y a Zik. Dans cette boîte aussi, hein. Mais ma patronne me disait, par exemple, ouais, faut le dire à personne. Mais moi, je vois ma gueule, moi, quand même. Je le disais à tout le monde, ils disaient, ouais, mais c'est pas normal que nous, on soit payé et toi, t'es payé au black, quoi. Je veux dire, voilà, c'est plein d'histoires comme ça qui ont fait péter un gros câble, en fait. Bah ouais, mais tu dois simplement porter plainte contre lui. Je veux dire, je sais que c'est chiant, etc., mais il y a un moment, faut y aller, quoi. Pourquoi tu restes là-dedans? Ouais, mais porter plainte de quoi? Parce que le mec-là, des fois, il se vantait, qu'il disait, ouais, moi, quand j'avais des problèmes, je payais un avocat, je gagnais toujours, même je payais. Non, mais ça, c'est énorme, mais ça, le mec, il te dit uniquement pour te faire peur en disant, ça sert à rien qu'effectivement j'aille au prud'homme ou n'importe quoi, de toute façon, il va gagner. Mais c'est faux, ça. C'est faux. T'inquiète pas, si t'as bossé, si t'as des preuves que t'as bossé, qui t'a jamais payé, que c'était au black, etc., qui t'avait promis monts et merveilles, qui t'a rien donné, non, frère, franchement, vas-y, Nicolas, va au prud'homme, hein. On peut te donner des numéros de téléphone si tu veux pour que tu puisses te renseigner. Justement, là, il a un rendez-vous, là, Nico. Ah, t'as déjà un rendez-vous? Parce que ça s'est retourné contre lui au final, hein, parce qu'il a envoyé des SMS. Hein. C'est-à-dire? Moi, en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand on insulte des religions, moi, j'aime pas ça. Donc, moi, en fait, je chantais de discothèque avec des potes. Ouais. Et j'envoyais des messages à ma patronne à 2h-3h du matin. D'accord. Donc, elle l'a pas pris. Mais t'étais un peu bourré ou pas? Ah ouais, mais j'étais chaud, quand même. Et en fait, c'est là où seulement j'arrive à dire mes vérités quand je suis bourré. D'accord. Et donc, elle utilisait ces SMS-là contre toi. Ok, d'accord. Mais t'as mis quoi dans le message? Bah, dans le message, j'ai dit que c'était une grosse conne, que c'était pas normal qu'on soit pas payé, on n'a pas volé la boîte, parce qu'en fait, moi, je travaillais à Pithiviers, à la discothèque, le French Kiss. Ouais. Voilà. Comme ça, c'est fait, hein. Voilà, comme ça, au moins, c'est cité, hein. Heureusement que je t'avais dit de pas citer les marques. Oh merde. Bah, c'est trop tard maintenant, c'est pas grave, vas-y, continue. On peut pas revenir en arrière. Non, là, non, on peut pas faire le rewind, malheureusement, non. Mais vas-y, toujours, hein, continue. Bon, bah, c'est fini. Et puis voilà, en lui disant que c'était pas normal, elle me dit oui, t'as atteint ta limite de consommation d'alcool. Je dis oui, je l'ai atteinte. Même des fois, sur les messages, je faisais des fautes. Mais je lui dis, c'est pas normal quand même, tu te rends compte, je me fais insulter par ton mari. Elle me dit, ah, mais je veux pas te savoir. J'ai dit, ouais, mais si tu veux pas te savoir, ça va aller à rien, quoi, ça va aboutir à rien. Oh, mais là, ce genre de SMS, ça vaut rien, ça. En plus, elle le voit que t'es bourré, enfin, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas ça qui va faire que tout le reste va tomber dans l'oubli en disant, oui, mais regardez le message. Non, non, franchement, au prud'homme de toutes tes chances. Si t'as les preuves que t'as bossé sans être rémunéré, y a pas de raison, hein. Il a beau avoir les meilleurs avocats du monde, quand tu fais une connerie, normalement, t'es jugé, et si t'es coupable, t'es coupable. Et surtout, au prud'homme, je pense qu'en règle générale, ils sont vachement pour l'employé. L'employé, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, attends, il y a aussi quoi, Colline qui est avec nous, là. Salut, Colline. Allô, ça va, Colline? Tranquille, oui. Tranquille, bah on est à la cool, nous. On est bien, on est tranquille, on est pépère, là. On est au mois d'août, là. Colline, t'appelles de Grenoble, toi? Ouais. Bon, vacances, là, ou pas? Bah ouais, quand même. Hein. Bah ouais, t'es déjà partie? Tu vas partir ou tu bouges pas? Bah, je suis partie à côté, mais je peux pas partir, moi. À côté de quoi? Bah, à côté de Grenoble. Ouais, j'étais vers Autrive. D'accord. Ok, ok. Là, tu vas bosser ou tu t'attends que la rentrée arrive? Bah, j'attends que la rentrée arrive. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est chose qui arrive, Colline. Du coup, tu bosses aussi pendant l'été? Non. Bah, bon. J'ai pas l'âge. Bah, je sais pas, après, tu peux aider papa, maman, je sais pas, hein. Oh bah, je suis déjà bien assez, hein. Oh là là. Ouais, on peut me faire chier les vieux, là, hein. Je fais déjà la vaisselle une fois par semaine, je passe l'aspirateur, on peut me prendre la tête non plus, hein. Non, le balai, nuance. Ah, le balai, ouais. Ah, d'accord, ok. Oui, ça consomme moins d'électricité oui, que le balai, c'est mieux. Le balai, je contre 5 euros. Exactement. Bon, Colline, c'est quoi ton problème, toi? Tu voulais réagir à Nicolas? Oui, voilà. Alors, vas-y, fais péter, on t'écoute. Ouais, en fait, moi j'ai fait donc une semaine de stage et les deux premiers jours et tout, j'avais vidé les cartons quand ils arrivaient. Et après, je devais enlever les cartons du camion. Ouais. Et au moment où il y avait la famille à mon patron, bah pas le patron mais celui qui m'embauchait quoi, ouais. Qui sont arrivés donc dans la salle là-bas et j'ai dû leur servir le café et tout et ça m'a pas plu donc évidemment j'ai fermé ma bouche. Colline, Colline, bienvenue dans le monde des stagiaires. Mais non mais t'es pas là pour ça mais c'est comme ça. Bah, c'est-à-dire que quand t'es stagiaire dans n'importe quelle boîte, il y a au début bah tu fais le travail pourri, tu vas chercher le courrier, tu vas chercher le café, tu vas t'ouvres des boîtes, tu fermes des boîtes, enfin voilà. Tu les refais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai écrit que je devais enlever les cartons du camion. Mais ouais, mais. Bah oui, mais Colline, c'est comme ça quand t'es stagiaire. Surtout que là, c'est un stage d'une semaine. Bon. Ils vont pas commencer à t'apprendre à faire des trucs compliqués parce que le temps que t'apprennes, tu seras parti déjà. J'ai pas envie de mettre Juliette dans des cafés, sérieux. D'accord, Colline, mais. Sucre au moins. Mais non, mais Colline, c'est les stagiaires, c'est comme ça. Bah oui, on l'a tous fait. C'est ça, Polo, il a été stagiaire, bah et ouais. Putain, des cafés, il en a servi. Hein. Eh bah, tu t'imagines même pas, j'étais spécialiste, j'arrivais à en prendre 6-7. 6-7 d'un coup, s'il vous plaît. Et pourtant, il n'était pas stagiaire serveur. Hein. Non. Ouais, mais il aurait pu se reconvertir, Nathan. Mais non, il a pas fait. C'est comme ça, Colline. Et au plus, tu vas ouvrir ta gueule au début en disant ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre, moi, je suis pas là pour faire le café, tu vas être saqué. Hein. Mais j'ai dit, mais moi, je veux pas faire du café. Ah bah oui, mais t'as pas le choix non, au début. Non, mais c'est vrai que là où elle a raison... Non, je dis pas qu'elle a tort. On te demande de faire un stage pour apprendre des choses. Je pense que je sais pas qui gère ça, c'est l'éducation nationale. Quand on te demande d'aller en stage dans une entreprise, c'est pas pour servir du café, c'est non, pour apprendre mais, des choses. Bah tu rends service, bah, tu apprends à rendre service. Et là, c'est arrête, vrai t'es en train de démolir le truc du stagiaire, le prochain il ira pas chercher à boire. Je suis pas d'accord, moi le stagiaire doit apprendre à faire un bon café. Oui, c'est ça, c'est important. Mais attends, c'était un stage d'observation. Ouais, voilà. Ah oui, bah alors, mais bien sûr, tu es malléable et tu dois être traité comme ça. C'est voilà. Mais c'est normal. Tu vois, t'as observé quoi. Non mais pour en revenir au problème de Nicolas là, effectivement là, au niveau des prud'hommes, faut y aller, faut pas avoir peur. Hein. Ouais, mais c'est que le problème, c'est que malheureusement, ça va durer trop longtemps. Et puis moi, j'ai pas la patience en fait. Avant, j'avais la patience, mais maintenant, j'ai que la rage en fait. Bah oui, mais le problème, c'est que si tu fais rien parce que tu dis que ça va durer trop longtemps, j'ai pas la patience, au final, le mec, il aura gagné, puis il va prendre un autre pignouf qui va passer derrière, il aura gagné, et puis il va voir une autre meuf qui va passer derrière, il aura gagné, parce que tout le monde va se dire. Oh, voilà. Et au final, l'autre jackpot à chaque fois. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais par contre, c'est vrai, Nicolas, si t'es pas bien et que tu le vis mal, etc., peut-être parle-en à ton médecin. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, parce que faut pas que non plus que tu sois stressé trop non plus, quoi. Voilà, qu'ils te mettent en maladie, et puis après, tu cherches un autre boulot aussi, Nicolas. Non, mais qu'ils se fassent suivre aussi, parce qu'ils sont à bout un peu. Non, mais c'est clair, ouais, faut pas. Là, en attendant, j'ai un travail, donc, mais c'est juste, en fait, c'est juste à, on va dire, si pas de mon ancien travail. Et bah oui, alors c'est pas grave, ça. Si? Ah si, mais c'est que par exemple voir les autres personnes ou les autres me disent bonjour et puis par exemple on voit que pour le merde, en plus je m'embauche moi merde. Par exemple quand les ouvriers vont chercher leurs cigarettes au patron, mais il y en a, je dis mais c'est pas à vous d'aller les chercher, c'est au patron, ça veut de se bouger quoi, c'est pas à vous les mecs. Mais bien sûr, mais tu vois, c'est pour ça que tu dois aller jusqu'au prud'homme là pour les sauver aussi eux et sauver les prochains. Mais c'est vrai. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est porter plainte, c'est tout, juste porter plainte. Ça. Et si tu vas au prud'homme, non seulement tu portes plainte, mais en plus tu peux gagner de l'oseille aussi, parce que normalement il va devoir te payer toutes les heures que t'as presté et qu'il t'a jamais payé. Hein. Ça va peut-être aussi te soulager, toi, d'en parler avec des professionnels. Voilà, et puis t'inquiète pas, les mecs, ils sauront quoi faire. Hein. Ça se trouve, ça va peut-être pas forcément durer 6 ans non plus. Hein. T'inquiète, hein, Nico. Hein. Ouais, mais il faut pas laisser tomber l'affaire. En tout cas, on va te filer quelques numéros si jamais t'en as besoin. Et puis, si éventuellement vous êtes calé dans le domaine, là, peut-être avocat, je sais pas, ou travaillez peut-être au prud'homme, j'en sais rien. Ça peut nous filer un coup de main aussi. Hein. Si vous nous appelez comme ça, on vous file le numéro de Nicolas, là, 01 42 48 5000. Bon, bah, Nicolas, en tout cas, tiens-nous au courant. Et puis, bonne chance. Surtout. Ok, d'accord, je pourrais passer une petite dédicace en vite fait. Allez, vas-y, à une seule personne, hein, c'est la règle. Hop là. À une seule personne. Ouais, il faut choisir la bonne. À ma soeur alors. À ta soeur. Ah bah, comment elle s'appelle ta soeur ? Karine, bah très bien, bon, l'embrasse, Karine, y'a pas de problème. Salut Nico. Salut, passez une bonne soirée. Bye. Et bah, toi aussi, puis bon courage, ouais. Hein, Nicolas, et tiens-nous au courant. Et Colline, merci à toi d'être passé aussi, tu reviens quand tu veux, pareil. Je peux pas faire une dédicace ? À une seule personne, vas-y. Ah merci. Bah ma maman parce que je l'aime très fort. Oh, voilà. Comme c'est fou. Bon, je te fais des bisous, Colline. Bon, oui, gros bisous, Colline. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et à bientôt. Ouais. Eh hey, Colline, oublie pas de prévenir tes potes à l'école, hein, même si t'as pas encore repris là, mais qu'on est là tous les soirs à 20h. Hein. Ah bah j'ai déjà prévenu. Hein. Ah bah très bien, bah, repréviens encore un coup, on sait jamais. Bah. Bon, d'accord. Salut Colline. Salut. Bye. Allez, à bientôt, ciao. On peut avoir récupéré Gaëtan aussi là qui a décidé de déménager. Et puis bah vous hein, en direct, si vous voulez parler avec nous, venez foutre le bordel, on est jusqu'à 23h, on vous attend. Je vais enlever la musique parce que hop là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, et balancez aussi vos messages là. C'est vrai qu'on avait parlé des vacances là pour savoir où est-ce que vous étiez parti, si vous étiez peut-être déjà revenu justement. Tiens, comment ça s'est passé au niveau des vacances chez vous? Je vous avais posé la question sur le Facebook. Il y a Lucas qui dit moi j'ai glandé chez moi. Qu'est-ce qu'il y a aussi Justine qui dit île Maurice en voyage de noces, le paradis. Ah ouais. Ah ça va, ouais, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est ça va, tranquille. Ouais, c'est pas mal, mais tranquille, c'est Justine, mal, hein. Rien ne vaut la Belgique, quoi. Ouais, Dimitri aussi qui dit Ajaccio en juin. Yaku aussi, Dana qui dit au Panama, il est toujours vacances pendant toute l'année pour les 32 degrés environ. Je peux dire que ce sont des éternelles vacances. Ah ben Dana, elle est au Panama en fait, elle habite là-bas. Ah putain, tu m'aurais dit ça avant, je serais venu te voir, Dana, j'étais à côté là, tu aurais pu me loger tout ça, ça aurait été au top. Bah, bon, ouais. Dommage. Lucas qui dit et non, pas de vacances pour moi. Julian aussi qui dit une semaine en Dordogne avant la reprise du hand. Il y a aussi Lolita qui dit j'ai pas eu de vacances mais bon c'est la crise. Et bah ouais, en plus ça va, il fait beau donc t'as un peu de chance quand même. Et Stéphane qui dit je suis en Bretagne pendant un mois, je vis dans le Nord-Pas-de-Calais en temps normal. Ah bah Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, ça va changer hein. Non mais c'est vrai, tu vois, ah, tu vas quand même être pas mal. Et Raph qui dit je pars en Turquie le 16 septembre à Belek. Ah bah bonne chance, amuse-toi bien. Malte en septembre pour Jérôme. Bah, et vous, tiens, où vous partez? Comment ça se passe? Vous êtes parti où? Vous allez revenir? Vous êtes déjà revenu? Comment ça s'est passé les vacances? Bah, venez nous en parler maintenant sur Fun Radio. Vous balancez vos messages maintenant donc sur le Facebook et le Twitter aussi, facebook.com/mikaelofficiel, et pareil sur Twitter évidemment. Et puis sinon il y a le standard qui fonctionne également. Vous nous appelez et on vous prend, on vous passe à l'antenne dans un instant sur Fun Radio. Côté son, qu'est-ce que j'ai à caler là? Bah j'ai Major Lazer, tiens, dans un instant. Voilà, Major Lazer ou alors Maître Gims. Voilà, si vous voulez en choisir un des deux, là, vous avez deux minutes là pour voter là sur le Twitter. Là, vous mettez le hashtag Mickaël, vous mettez Major Lazer ou alors Maître Gims, et on vous passe ça juste après la pub sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Hello. Mickaël, No limit. 20h, 23h. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, allez vous balancer tous vos messages évidemment maintenant là, si vous voulez discuter avec nous, vous venez foutre le bordel par SMS, ça marche hein, débutez le message par MIKL au 74 900 et par MIKL également au 3044, ça c'est pour la Belgique. Si vous voulez parler avec nous, vous balancez tout ça, il y a pas de problème. Il y a Clara qui dit on attend toujours le mignon de Sandra. Ouais ouais, bah ça va arriver hein. Je vais mettre celui de Polo aussi dans quelques instants là directement sur le Facebook. Et puis alors un message de Benjamin qui dit super ta vidéo du chat Mickaël. Ah ouais, la vidéo que j'ai mise tout à l'heure là, c'est Marion qui nous l'avait envoyé tout à l'heure. Bah allez voir ça là, facebook.com/mikaelofficiel, et puis partagez la vidéo aussi avec vos potes évidemment pour qu'ils puissent voir aussi hein, pour ceux qui écoutent pas la radio là. Facebook.com/mikaelofficiel, c'est le chat qui ravage juste un ordinateur, et vous allez voir que la propriétaire de l'ordinateur elle tire un peu la gueule là pour le coup quand même hein. Donc allez voir ça, facebook.com/mikaelofficiel, et puis on se fait péter le son de Maître Gims maintenant sur Fun Radio. C'est One Shot sur Fun Radio, c'est parti. Ici ça fait de la zigme juste pour déconner. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Et on est en direct sur Fun Radio, là c'est Mickaël No Limit. Et ouais, Mickaël tous les soirs sur Fun jusqu'à 23h. Et vous venez foutre le bordel avec nous, vous êtes chez vous sur Fun Radio. 01 42 48 5000, ça c'est pour prendre le contrôle. Vous nous appelez d'où que vous soyez en France. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Alors ouais, j'ai eu des messages aussi d'auditeurs, notamment un de Suisse, un autre de Saint-Barth. Alors ça c'est la folie, apparemment on diffuse à Saint-Barth, je sais pas comment ça se fait, mais la folie totale. Bonjour, bienvenue c'est aux énorme. Auditeurs de Saint-Barthélemy. La grande classe. Bon, si vous voulez nous appeler, si vous êtes ailleurs qu'en France ou en Belgique, vous pouvez le faire aussi hein. Il suffit simplement de faire le 00 33 1 42 48 5000. Voilà, comme ça vous faites ce numéro, vous tomberez sur Sandro au standard, et puis on vous rappelle derrière, comme ça ça vous coûte pas un bal, vous inquiétez pas. Donc voilà, comme ça vous avez tous les numéros. Message aussi d'Arnaud sur le Twitter qui dit super moment avec vous. Eh ben avec plaisir Arnaud, tu reviens quand tu veux, surtout il y a pas de problème. Billy qui dit salut, je t'écoute, dit il y a toujours le jeu des factures le matin. Évidemment maman dans le morning qui a le remboursement de vos factures, bien entendu. D'ailleurs, faites saigner Fun, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Noémie, parce que comme je sais que le boss écoute, hein, Jérôme, si tu m'entends, n'hésitez pas, voilà. De toute façon, il est blindé, hein, n'hésitez pas à lui demander de payer vos factures d'électricité, factures de resto, voilà, c'est ça, vous avez acheté un iPad, bah pas de problème, allez hop, c'est parti, inscris-toi, il n'y a pas de souci. Noémie aussi qui dit, vous êtes les meilleurs, et message de Diana qui dit, pour le stage, moi c'est 3 fois plus pire. Ah bah oui, lors de bah ça c'est le français aussi, ouais, hein, ouais, 3 fois ça. Plus pire, hein, a priori là. C'est ça. Bah c'est ça. Bon, alors on a Camille qui est avec nous maintenant. Allô Camille. Bonsoir. Camille. C'est la copine de Toff. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors puisque ça tient à cœur à Toff. Oui. Est-ce que tu peux resituer? Bien sûr. Alors Camille nous a appelé. Ah ça y est, je vous ai appelé. Reste un peu là Camille. Voilà, en disant voilà, je suis hétéro mais j'ai rencontré une fille. C'était jeudi, ça, ouais. Ça se passe plutôt bien. Elle arrive. Mais je ne suis pas homosexuel, mais c'est juste que la fille que j'ai rencontrée, bah c'est, elle m'attire un peu quoi. Voilà. Et donc tu devais la voir ce week-end. Et donc je l'ai vue. Alors, Attends, est-ce qu'on peut remettre les menottes à Toff, hein? Allez, on les remet là. Attention. Donc tu l'as vu ce week-end, hein? Je l'ai vu ce week-end. Oh. Attends. Calme-toi, Toff. Attends, j'aime bien faire du vrai suspense, hein. Les avis, je peux parler en faisant du tambour. C'est ton petit côté Nikos. Oui. Oh là, ça va durer 1000 ans. Non, c'est important, ça va durer là. 3 minutes. Alors attention. Il va énerver tout le monde. Je crois qu'il y a Quentin qui voulait expliquer son problème. Bon, j'arrête, c'est bon. Il y a Quentin. Bon, ok. Bon, alors, Camille, tu l'as vu, et donc alors, j'ai raccroché avec vous jeudi, elle est arrivée une demi-heure après. Alors attends. Attends une seconde. Camille, prépare tes mots. Attends, oui, prépare-toi là. Oh là là. Choisis bien ce que tu vas dire. Alors attention, alors au cas où, prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Voilà, comme ça vous avez le numéro de téléphone au cas où. Donc alors tu l'as vu, tu l'as vu jeudi. Je l'ai vu jeudi. Ouais. Elle est arrivée, bon c'était normal quoi. Ouais. Et elle peut commencer attends, normal, attends. Attends, ne bouge pas. Je vais passer ma nuit sur cette radio. Attends, mais oui, mais c'est très bien, Camille. Genre tu te plains là. Pourquoi t'es pas bien avec nous? Ah si. Ah tu vois que t'es bien là. Alors remonte tambour. Oh là là, l'angoisse. On t'écoute. C'est quoi cette fin? Bah, je sais pas, écoute. Bruitage de merde. C'est pas un bruitage, c'est mon vrai tambour. Le drame, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé le cap. C'est pas vrai. Oh non. Bravo. C'est bon ça. Hey, fucking head en plus, t'as vu un peu là? Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, t'as passé le cap et après? Et le truc, c'est qu'elle m'a avoué qu'elle était ultra fan de moi et qu'elle fan, voulait... genre tu fais un truc, non? Mais moi pareil, non. Je suis ultra fan de toi, Camille. Ah, et ben moi aussi. Arrête, me dis pas ça. Elle disait ça juste pour te foutre de la gueule, t'inquiète pas. Camille, soit elle est moche, soit elle est désespérée. Ou les deux. Ouais, ou les aussi, deux. Ouais. Et donc c'est pas très gentil ça. Non, c'est une balle. C'est Polo, moi j'ai rien dit. Oui, c'est moi. Non, et donc du coup, moi je lui ai dit que bon, j'étais à fond sur les mecs, mais que je voulais tester avec elle. Une fois de temps en temps. Non, pas une fois de temps en temps, mais que je voulais voir. Un peu plus souvent qu'une fois de temps en temps, non? Comment ça se passait avec elle? Et elle m'a dit qu'elle voulait du sérieux, donc comme elle m'a un peu mis la pression, je lui ai dit, bon, ben écoute, maintenant va-t'en, et après, je suis parti. Mais non. Alors tu t'es comporté comme un mec avec elle. Oui, et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. C'est bon ça. T'as juste elle m'a dit, avec en fait. Elle m'a dit, mais en fait, tu m'as pris pour quoi, un plan cul? J'ai dit, non, pas du tout. Un peu quand même. Mais alors, du coup, mais t'as couché avec elle, alors, en vrai? Mickaël, il en peut plus. Bon, elle est plus là, elle a dit oui. Mais oui, mais attends, elle a dit qu'elle avait passé le cap. Roulement de tambour pour l'explication. Tu veux savoir comment ça s'est passé, voilà. Eh, tambour. Non, mais je vais pas vous donner les détails, Attends, parce que, alors, il faut savoir, Camille, que quand t'acceptes de passer l'antenne, en fait, c'est automatiquement, tu signes un contrat. Ouais. Qui fait que tu nous appartiens. Je m'engage. En fait. Voilà, c'est ça. Tu t'engages à tout balancer. Alors attention. Non, mais fais gaffe, je suis hétéro au départ. Oui, c'est pas grave. Allez, confesse-toi. Justement. Alors attention. Confesse-toi, mon enfant. Alors attention. Je peux pas. Oui, mais enfin, c'est mon tambour. Oh, le bon, c'est Camille, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'as vraiment kiffé? Ou est-ce que tu resserrais avec une autre meuf? Ou... Ah non. Ah, là, par contre. Ah merde, tu m'as tué mon suspense. Ah merde, putain. Vas-y, mets ton tambour. Ah bah tant pis, maintenant t'as déjà donné la réponse. Là. Du coup, je suis. Non, alors, non, je resserrais pas avec une autre fille. Bah pourquoi? Parce que il y en a aucune, je regarde pas les filles dans la rue, il y en a aucune qui m'attire. Moi je suis mec à fond. Bon la preuve, mais. Oui c'est ça. Mais... Je suis mec à fond. Mais alors j'ai baisé une meuf là ce week-end. Non mais je sais qu'avec une autre je réitérais pas. Bon elle c'était ouais. C'était sans plus. Hein. Non c'était sans plus. Ben c'est pas trop ma. Au départ c'est pas trop ma cam. Donc est-ce que je me dis est-ce que c'est juste le fait de plaire à une nana qui m'a un peu excité, ouais. Ou est-ce que c'est vraiment l'acte en lui-même quoi. Donc du coup je sais pas. Elle m'a dit que je me débrouillais super bien pour une fille soi-disant hétéro. Mais ça, ouais. Ça veut dire quoi? Parce que moi je suis pas lesbienne et je voudrais bien que tu m'en parles. Non mais ça veut dire mais vous que... avez fait quoi? Non, mais en fait elle appelle ça coucher mais c'est les préliminaires quoi. C'est... Ouais mais est-ce que toi t'as kiffé? C'est ça qui quoi? Ouais. Les vieux porcs. Ouais, en fait, elle a répondu déjà à toutes ces questions, mais vous êtes tellement surexcité à non, vouloir ils à tout prix. Non mais ils veulent vraiment roulement savoir tambour, ce qui roulement s'est passé. Tambour. Donc ils n'écoutent aucune de tes autres réponses tant que tu n'auras pas répondu à la question qu'ils attendent. Il a les menottes là. Oui, j'ai les menottes. Oui, toi, enfin, toujours les menottes, mais il s'est attaché à lui-même maintenant, tiens. Donc tu peux parler de ce que tu veux, ils écouteront pas. Là. Oui. Non, on ne va pas dire ce qui s'est passé avec elle. De quoi? Je dis c'est intéressant en plus comme tu. Ah mais oui, évidemment que c'est intéressant là, penses-tu directement. Nous on est au taquet hein. Ah bon, bon mais je vais venir alors. Je vais monter sur Paris. Ah bah tiens. Bah écoute, si tu veux, on t'accueillera avec grand plaisir, Camille. Non, il y a pas de problème. Non mais écoute, bon voilà, le principal au final c'est que ça s'est bien passé quoi. Oui, ça, globalement ça s'est bien passé. Et bon donc, bah voilà, bah, au moins, voilà. Au moins tu pourras accrocher une nouvelle flèche à ton arc. Merci beaucoup, Mickaël. Bah, avec plaisir, Camille. C'est bien que moi, si je peux rendre service, Camille. Mais avec tout ça, on sait toujours pas si elle a kiffé. Bah, t'as kiffé, oui, mais, si elle l'a dit. Mais oui, dit top. Non, mais c'est pas possible. Mais putain, mais top. Il est resté bloqué. J'ai passé le cap. Ouais, moi, je suis toujours là-bas. Hein. En non, début. Non, mais en fait, par contre, ce qui m'a un peu frustré, c'est que eux, c'est vachement. Enfin, on le fait chier. Enfin, on se fait chier, mais c'est... Ah ouais, t'as kiffé dans le cas. Hein. C'est t'as bien kiffé là. Bah, on s'est mais fait, je me suis fait chier. Peut-être que ta partenaire là. était pas. Douée. Honnêtement, ça va. Elle était bien. Après, je peux pas me permettre de juger non plus et trop parce que c'était la première. Mais, En fait, j'ai compris. En fait, toi, tu veux dire, en fait, ça reste que du préliminaire, en fait. Parce qu'en fait, on a bien compris que c'était en fait. Non, ouais. Mais forcément, il n'y a aucune. Voilà, il n'y a aucune. Il n'y a pas de. Ouais, non, on sexologue, mais. Ouais, mais je me demandais, t'as kiffé ou pas? Oh là là, mais oui. Qu'est-ce qu'il est relou alors? Bon, bah très bien, mais Camille, bah écoute, tu conseillerais à d'autres filles de passer le cap aussi si elles sont comme toi et qu'elles ont envie? Ah, bah oui. Direct. Ah oui, direct. Bah oui, parce qu'on se connaît trop entre filles, on sait très bien ce qui va nous faire plaisir, etc. Et qu'est-ce qui vous fait plaisir? Polo. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est une claque, ça remettra les idées en place, j'espère, en tout cas. C'est bon. Voilà, je t'en prie. Bon. Non, il y a des enfants qui écoutent, c'est pas bien. Mais non, il y a pas d'enfants. Bon, Camille, il y a pas de problème. Si vous avez déjà tenté le cap, passé le cap plutôt, là, comme Camille, là, avec un mec ou avec une fille, bah, peu importe, n'hésitez pas à nous appeler, hein, 02-851-4x0, ça c'est le numéro pour la Belgique. Et puis, où que vous soyez en France aussi, 01-42-48-5000. Bah, reste un peu avec nous, Camille. Ça marche. D'accord, bouge pas. Ouais. Attends, il y a aussi merci. Quentin qui est avec nous. Bah, reste là, tu vas peut-être avoir des conseils à donner à Quentin, tiens. Salut Quentin. Bonsoir. Comment va? Ça va bien. Bon, tant mieux. T'appelles de Nantes. Toi, t'appelles pourquoi, dis-moi, Quentin? Alors voilà, en fait, quand je fais l'amour avec ma copine, bon, tout se passe bien. Mais le problème, c'est que quand j'y fais l'amour, je suis en train de penser qu'elle se fait prendre par d'autres mecs. Qu'est-ce que c'est que ce délire, Quentin? Et le problème c'est que, alors je suis jaloux, donc c'est un peu que je pourrais pas accepter, mais le problème c'est que ça m'excite, alors c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, tu peux aller voir un psy, tu veux, ou un sexologue, hein. Donc, c'est-à-dire que toi, t'es jaloux, tu veux pas que ta meuf te trompe, ce qui tombe sous le sens à la base. Mais par contre, voilà. ça t'excite de t'imaginer qu'elle est en train de faire l'amour avec d'autres mecs. Alors là. Voilà. Donc, c'est comme si j'étais, à la limite, dans un club échangiste et tu voyais la scène voilà, quoi. Okay. Ah, mmh. C'est un fantasme, en fait. Ouais, peut-être. Bah. Camille, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu réagirais comment si ton mec arrive en disant, écoute-moi, en fait, quand je te fais l'amour, ça m'excite parce que je t'imagine, en fait, avec d'autres mecs. Ah. Mais c'est crade. C'est pas grave, c'est bizarre, effectivement. Mais non, mais c'est super safe. Il faut surtout pas qu'il lui en parle. Ah bon? Ah non, justement, non. Ah non. Ah non, non, non, il faut. Ah, c'est déjà fait, quoi, non, non, non, je vais pas dit, justement. Ah, non, d'accord, ok. J'ai non, à mon avis. Déjà qu'elle me posait pas des questions du genre est-ce que tu penses à moi quand tu fais l'amour à la question ah oh, non non et je là, pense à une autre attends elle te demande quand vous faites l'amour tous les deux elle te demande si tu penses à non justement je pense à ma grand-mère là ou à la meuf que j'ai croisée à la poste à l'heure là c'est chaud quand même mais comment ça se fait qu'elle te pose cette question quand c'est que tu fais paraître quelque chose c'est qu'elle a des doutes mais oui non non non du bah si elle poserait pas la question sinon elle ne passe pas tous les jours elle me le pose encore heureux. Mais quand t'es avec ta copine, Quentin, que t'es en train de faire l'amour ou autre chose, si tu poses une question en disant tu penses à quoi, tu la poses pas comme ça. C'est parce que tu ressens qu'elle est pas vraiment au taquet, quoi. Et puis elle est tracassée, à mon avis. Oui, peut-être Camille est tracassée. Bah oui, t'as bien raison. Hein. Bah oui, elle est tracassée. Non, alors tracassée, je dirais pas, mais peut-être plus dans le sens peut-être qu'elle pose la question comme. C'est normal, quoi. Ouais. Je pense pas qu'il y a des doutes du genre, est-ce que tu penses vraiment à, genre, à la fille qu'on a dit, on vient de croiser dans la rue tout à l'heure. Non, non, du tout. Non, ça, je pense pas. Bon, ben, Quentin, Camille, restez là tous les deux. On va reparler avec vous dans un instant. Tiens, si ça vous est déjà arrivé comme Quentin, là, est-ce que vous avez déjà fait l'amour à votre copain, votre copine et que vous pensiez à autre chose, en fait, tout simplement? Ou comme lui, plus précisément, vous pensez, que votre copain ou votre copine est avec d'autres filles ou d'autres mecs? 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Appelez, il y a Sandro qui est au standard. Ou alors 02 851 4x0. Pareil aussi, si comme Camille, vous avez déjà, passé le cap de coucher, là, Camille est couché avec une fille ce week-end et donc elle voulait savoir comment ça se passait chez les autres. Il y a Magali qui dit, aussi, sur Facebook, moi j'ai couché avec une fille pour savoir si j'étais bien bisexuel et je le suis bien. Et avec une fille, il existe des positions superbes. Il y a Gabi aussi qui dit bonsoir fun, j'habite à l'île de la Réunion et je viens de découvrir cette fréquence et à vrai dire, j'adore. Perso, mes vacances, je les passe sur mon lit. C'est bientôt la rentrée ici et je vous fais de gros bisous. PS, il est juste minuit 22. Ah putain, on est diffusé aussi à l'île de la Réunion. Oh là là, ça fait rêver là. Ça fait, t'imagines que là nos voix, elles sont là et elles épousent cet océan magnifique qui entoure l'île de la Réunion. Et nous, on est là. Avec la pollution, ce bordel, et là, vous êtes là bien. Oh là là. Wendy aussi qui dit bon, t'as couché ou pas? Ouais, c'est bon, Wendy. Bon, allez, on s'écoute le son de Sean Paul maintenant sur Fun Radio. Sean Paul avec Other Side of Love. Encore une belle chanson d'amour et d'amitié. On revient avec Camille juste après sur Fun. Bonne soirée, tout le monde. Baby, you don't have to keep looking through my window, 'cause you'd already know. C'est Fun Radio, allez hop, bienvenue tout le monde là, 22h33, on est encore ensemble pendant 30 minutes, donc si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez, foutre le bordel, comme on le dit, tout simplement, vous êtes les bienvenus, 01 42 48 5000, ou 02 851 4x0, ça marche aussi par SMS, hein. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Ouais, il suffit tout simplement de débuter le message par M-I-K-L pour qu'on puisse les recevoir, bien entendu. Message de Florian, puisque je vous avais demandé aussi ce que vous faisiez pendant vos vacances là. Florian qui dit moi pendant mes vacances je pars camper dans mon jardin. Ah c'est sympa ça, le camping dans le jardin. Hein. Moi-même j'aurais rêvé d'avoir ça, mais j'avais pas de jardin à l'époque, ce qui est bien dommage. Non et puis l'avantage c'est que t'es vite rentré chez toi quoi. Tu vois le trajet est pas très long quoi. Ouais c'est vrai. Ouais. Il y a vite les embouteillages. Bah ouais, il y a Tej aussi là sur Facebook qui dit vous êtes aussi diffusé à l'île Maurice. Ah putain c'est fort ça quand même, on vient d'en parler à l'instant. Il y a déjà au moins deux auditeurs à l'île Maurice donc. Voilà. Mais alors est-ce que vous pouvez nous héberger si on vient faire l'émission en direct de là-bas? Est-ce que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Bah je te confirme alors là. Tu te rends compte de la chance que t'as? Bah moi je me rendrais bien compte si on était invité par des auditeurs pour faire l'émission de là-bas, ça serait sympa à l'île Maurice, non? New York, on n'est pas diffusé. Ah bah ouais, l'île Maurice c'est très bien, nous on y va, il y a pas de souci. À Shanghai. Et on est diffusé à Papété? Ça serait bien ça. Ah si, je crois qu'on est diffusé mais que le dimanche. Bah ça tombe bien ce dimanche. Parfait. Bon bah nous on vient aussi, on fera l'émission dimanche en direct de là-bas et puis on reprendra l'avion dans l'autre sens. Il y a Yvonne aussi qui dit salut toute l'équipe, trop cool l'émission, continuez comme ça. Trop cool aussi. Merci à toi Yvonne en tout cas d'avoir envoyé le message. Alors avant de reprendre Camille et Quentin là avec leurs problèmes sexuels, il y a Maxime qui est là. Tiens justement, tu voulais réagir à Quentin. Toujours là Camille? Camille? Oui, je suis là. Très bien. Bon, Quentin qui nous avait appelé parce que quand il couche avec sa copine, en fait, il imagine des choses pour s'exciter, en l'occurrence, que sa copine couche avec d'autres mecs, ce qui est assez particulier. Et il y a Maxime qui voulait réagir, là, du 7-6. Salut, Maxime. Ouais, salut, ça va bien, tranquille. Tranquille, ouais. Maintenant que je sais qu'on est diffusé à l'île de la Réunion. Radio, bonjour à tout le monde. Salut, bonjour à toi. Tout le monde t'embrasse, voilà, Maxime. Ouais. Bon, comment allez-vous? On va plutôt bien, Maxime. Ah, t'appelles pourquoi, Maxime? Oh putain, radio, ça fait dur. Je vous dis, franchement, ça fait délirer ce que j'entends, quoi. Eh ben, c'est gentil, salut, Maxime. C'est génial. Bon, Maxime. Quand j'entends le gars qui s'appelle Kandra qui me dit, j'ai fait l'amour à ma copine, et qui dit, j'ai l'impression qu'elle pense à d'autres. Non, Maxime, t'as confondu là. Rien compris. T'as confondu. C'est pas elle qui pense à l'autre mec. C'est lui quand il couche avec sa copine, oui, qui pour s'exciter pense qu'elle est avec un autre mec. Voilà. Enfin, un autre mec. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ah, c'était pas clair. Il y en a un des deux qui était pas clair dans son histoire, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je serais à sa place. Je me poserais des questions quand même. C'est ce qu'il fait là. Il se pose des questions puisqu'il nous appelle. Je sais pas, ça me paraît logique. Moi, personnellement, quand je suis avec ma meuf, je pense pas d'autres meufs. Hein. Je sais pas, réagir, quoi. Eh, des fois, t'es là, bon, t'es dans madame. Bah, je veux pas être vulgaire, parce que non, mais si je me lasse, là... Ça t'arrive de penser à autre chose. Je suis cool, j'ai pas de soucis. Non, mais tu peux penser à autre chose, ça. Oui, ça peut arriver. Parfois, c'est quand tu sens que ça vient trop vite. Alors, du coup, t'essaies de penser à quelque chose d'autre, tu vois. Mais oui. Alors c'est vrai que vous pouvez penser à Toff, ça marche bien. Ma femme, je pense à rien, je fais ce que j'ai à faire et voilà quoi. Oh putain, ça va être content, tiens. Eh hey, Maxime, j'espère qu'elle écoute pas ta meuf. Hein. Dès que je suis avec ma femme en train de faire l'amour, je pense à rien. Je fais ce que j'ai à faire et puis j'arrête. Je me vide et puis je m'en vais. C'est clair. Ouais. Personnellement, voilà quoi. Ah bah voilà Maxime, et je crois que c'est le meilleur conseil qu'on a donné à Quentin. Ah bah tu vois. Personnellement, Quentin, il a des soucis. Je lui dis franchement, s'il m'entend. Mais il t'entend là, il est là. Il m'entend. Ah oui, il est là, bien sûr. C'est la magie de la radio, un truc de ouf. Bien sûr, Maxime. Écoute, un truc de ouf, tu diras à Quentin que s'il a des soucis, qu'il contacte Max et voilà, on en reparle. Ah bah bien sûr, Max, il est là, il n'y a pas de problème, hein, il a filé un coup de main, Max. Nos soucis, quoi. Bah évidemment, Maxime. Bah attends une seconde, Maxime, il y a Valentin qui a aussi son avis peut-être à donner là, de Cézanne. Salut Valentin. Salut. Hey, Cézanne, comment ça va? Ça fait beaucoup Nandane là-bas. C'est drôle ça. Ça c'est drôle. Voilà. Bon, alors Valentin, donc tu nous appelais parce que t'avais un conseil à filer à Quentin, toi. Bah oui, bah parce que moi j'ai déjà couché avec ma copine et j'ai pensé à sa sœur parce qu'elle était plus bonne qu'elle. Oh, il est bon lui. Oh, il est pas mal. Ah, il est pas mal Valentin. Mais alors pourquoi tu te tapes pas la sœur si elle est mieux? Bah parce qu'elle veut pas de lui. Il peut pas. Ah ouais, c'est possible. Ouais. C'est rabattu. Comment Valentin? Mais bon, c'est peut-être envisageable. Ah, c'est pas envisageable? Non, il a dit c'est peut-être. Oh. Ah, peut-être pas envisageable. Mais attends. Envisageable? C'est peut-être ou c'est pas envisageable? Bon, parce qu'elle a déjà un copain, mais bon, on va essayer de faire ça. Oh, ouais, mais c'est un détail, ça encore, hein, Amit. Mais... on peut tester et la peut lui demander, hein, si tu veux. Oui, bah ça aussi, évidemment, ouais. Sa sœur, elle est beaucoup plus grande aussi, donc. Ah ouais, mais pourquoi elle fait combien ta copine? Parce que ma copine, elle a 16 ans et sa sœur, elle a 18. Ouais, non, d'accord. Ah, plus grande, toi tu parles de l'âge en disant plus grande. Moi, je parlais de taille. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, mais t'as raison, Valentin. Mais alors, du coup, t'es avec elle depuis combien de temps? Voilà, ça fait un an et demi bientôt. Ça fait un an et demi bientôt, ok. Et, un an et demi. Et ça fait un an et demi que tu rêves d'être avec sa sœur? Bah, elle est bien aussi, mais bon. Comment? Elle est bien aussi, mais bon. Ok, Valentin. Mais il disait juste qu'il pensait à la sœur pendant qu'il pendant qu'il couchait avec l'autre. Ouais. Mais c'est sympa, quoi. Au bout d'un moment, c'est vous à l'échec. La sœur, elle te prendra jamais, quoi. Bah, c'est ça. Bah, oui. Et tu lui as dit à ta meuf? Bah, non, parce que sinon, je pense qu'elle te... Sans blague. Ah, mais tu sais pas quand on fait l'amour. Moi, je pense à ta sœur, hein, parce qu'elle est plus bonne que toi. Oh, c'est chaud. C'est ouf, quand même, de dire ça, là. Oh là là. C'est dingue. Elle est quand même bien, quand même, ma copine. Et puis je pense souvent à elle et puis j'aime bien quand même. Et comment j'aime elle s'appelle bien quand même. Comment elle s'appelle? Tu veux faire une dédicace? Bah c'est pas ça, elle m'écoute. Bah ouais, justement, vas-y, profites-en si elle t'écoute. Oh, le piège. Hein, Valentin? Marie. Elle s'appelle Marie. Oui. Et donc de Cézanne dans le 51, tu lui fais une dédicace, c'est ça? Oh le salaud. Attends, on t'entend rien parce que Valentin, on n'entend rien. T'as mis le téléphone dans ta gorge là. Ah ouais, je disais que si elle m'écoute, je dis je t'aime et qu'on se verra dans deux jours. Attends, attends. Et sa sœur, elle s'appelle comment? Attends. Ils sont malades, hein. Attends. Et vous êtes fous les gars. Il hein y a un truc. Attends, stop. Non mais ça pose. Non mais attends. C'est-à-dire que d'apaisement là. C'est-à-dire si j'ai de la musique d'apaisement si tu veux, mais c'est-à-dire que il y a un moment. C'est trop des ouf. Il y a un moment tu nous appelles. Attends, Valentin, je veux juste comprendre. Il ouais. y a un moment, tu nous appelles et tu nous dis. Tiens, attends, je mets du violon. Il y a un moment, tu nous appelles. Donc c'est violent ça. Ouais. Ouais. Bon, attends, j'ai sélangé ça. Voilà. Ah, c'est bien. Donc tu nous appelles. Un peu plum. Voilà. Et là, pour dire quand. Quand je couche avec ma copine, je pense à sa sœur parce qu'elle est plus bonne. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe quand je te demande si tu veux faire une dédicace, je te tends le bâton, tu te fais battre et tu lui dis bah je dis bonjour à ma copine, j'espère qu'elle m'écoute et que je l'aime beaucoup, qu'on se voit dans deux jours. Non mais attends. Elle m'écoute aussi. Sa copine Marie de César. Marie bien évidemment, Marie juste, la copine d'écoute donc écoute donc. Juste pour savoir sa sœur, elle s'appelle comment? Ça s'appelle Camille. D'accord. Comme ça au moins. Mais bien sûr, mais comme ça c'est fait, tu vois, c'est parfait. Bon ben Valentin, en tout cas le message est passé, hein. Tu reviens quand tu veux surtout, hein. Bah, surtout pour ta rupture, tu verras bien comment ça s'est passé. Bon ouais, Valentin et Maxime. Je peux. Eh ben tu l'as faite là, Valentin là. Je fais une dédicace à tous mes potes de Cézanne. Eh ben très bien, ben parfait, Valentin, qui vont bien se marrer à la rentrée. Hein. Bon ben. Salut Valentin, et puis Maxime, tu reviens quand tu veux aussi, d'accord? Bah écoute, moi je fais une grande dédicace à tous mes potes de Normandie et à ma femme qui est partie en vacances hier dans le sud sans moi, mais perso je m'en fous. Ah bah parfait, bah écoute, comme ça c'est cool, hein. Si tout le monde s'en fout. Comme j'adore les souris danses. Eh ben voilà, c'est ça, c'est ça. Tellement temps, bah tant pis, mais voilà. Eh ben voilà, bah Maxime, passe une bonne soirée quand même alors, hein. Ben je vous souhaite tous une bonne soirée de même, voilà. Eh ben merci beaucoup Quentin. Bon ben reste là encore Quentin, Camille, bougez pas. On a aussi dans quelques instants le retour de Gaëtan là qui a décidé de déménager pour suivre son copain ou sa copine. C'est vrai qu'on avait un petit peu été submergé là par tout le reste. Donc bah bouge pas Gaëtan, bouge pas Camille. Camille, ça te branche d'écouter Calvin Harris dans quelques instants? Ah ouais, à fond. Thinking about you. Ah ben répète un peu, redis-le un peu le à fond. À fond. Parfait. J'adore. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000. 20h 23h. Mickaël. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Ouais, et on est là en direct sur Fun Radio, là. Cherchez pas ailleurs, y'a que nous qui sommes là au taquet. 20h, 23h, Mickaël, No Limit. Donc avec vous, profitez-en bien, c'est la dernière ligne droite, là. Avec plein de messages qui sont arrivés. Il y a le petit bonhomme vert, là, qui dit c'est quoi ce mec mort de rire, il est trop fort, Valentin. Ouais, celui qui vient de passer pour dire pendant qu'il faisait l'amour à sa copine, il pensait à sa sœur parce qu'elle est plus bonne. Et après, il a fait une dédicace à sa copine, hein, en espérant qu'elle écoute, évidemment. Kevin qui dit ce mec est un malade, quel culot. Il y a Ben qui dit Valentin, j'espère pour toi qu'elle écoute pas. Mickaël No Limit et Fun évidemment, et Wendy qui dit Valentin veut se taper la sœur de sa copine. Valentin champion des débiles. Ah oh, c'est vrai qu'on aurait pu, tiens, on aurait pu le mettre effectivement, ouais. Bon, et un message de Kevin qui dit Mickaël, tu peux dire à l'auditrice qui est à l'antenne que j'adore son accent. Bah c'est Camille, tiens, t'es encore là Camille? Oui, je suis toujours là. Ah bah tu vois, il y a des mecs qui kiffent ton accent. Je suis Camille. De Toulouse, c'est normal. Non. Ah, ah bon, j'aime pas trop moi. Ah, putain, je te voyais comment plutôt de Strasbourg, un truc comme ça, cet accent là non? Un truc comme ça quoi, c'est vers le haut quoi. Ouais, Lille, Metz. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, enfin, c'est Lille et Strasbourg, c'est pas vraiment à côté, mais. Bon, écoute, ma géographie n'est pas au top. Ouais, bah, enfin, c'est ton pays quand même, Camille. Il faut faire un minimum d'efforts quand même. Bon, Camille, Quentin, on va vous reprendre tous les deux là, dans quelques instants. On aura Magali aussi tout à l'heure, là. Et puis, on va se faire, bah, comme promis, le son de Calvin Harris. C'est toujours ça, c'est bon, ça, Calvin Harris, Camille? Allez, yes, c'est parti. Allez, yes, c'est parti. Calvin Harris, maintenant sur Fun Radio, avec Thinking About You. Et puis, je rappelle qu'il y a toujours la vidéo, là, hein, la vidéo avec le chat qui se fait, bah, qui maltraite. Un ordinateur, c'est aller voir sur le Facebook là, je compte sur vous pour aller voir ça, partager tout ça évidemment si ça vous fait marrer. facebook.com/mikaelofficiel, j'ai aussi partagé évidemment sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mikael, hein. Vous tapez twitter.com/mikaelofficiel. Allez, bonne soirée, c'est Mikael No Limit, on est là jusqu'à 23h sur Fun. Allez, bonne soirée, bonnes vacances à l'écoute de Fun Radio et Mickaël No Limit, là, tous les soirs, on est ensemble depuis, c'est la troisième semaine, là, qu'on passe avec vous. On est plutôt content d'ailleurs, hein. Enfin, moi, je suis pas vous, mais moi, je suis plutôt content. Donc, si vous voulez, venir foutre le bordel avec nous, on est là tous les soirs jusqu'à 23h, 20h, 23h, donc. Et puis, il suffit simplement de composer un seul et unique numéro de téléphone, celui-là. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Exactement, voilà. Vous le composez, vous arrivez directement chez, au standard, et puis vous êtes les bienvenus, vous passez à l'antenne avec nous comme tous ceux qu'on a eu ce soir, Camille, Quentin, il y a Yann qu'on va prendre dans un instant, il y a Buddy également, et puis on a perdu Gaëtan là qui nous avait dit qu'il allait partir chez sa copine en Belgique et il allait déménager en l'occurrence. Bah oui, encore une fois, et voilà, ça a privilégié d'autres sujets, mais non, ça a raccroché là. Bah écoute, on essaiera de le reprendre. Ça vient de couper, il est là dans le standard. standard depuis tout à l'heure. Bah oui, je sais bien, mais au moment où je voulais le prendre, voilà. Voilà, il est plus là. Message d'Aurore qui dit, je viens de trouver comment vous écouter en direct sur mon PC, vous êtes trop fort, j'espère que vous écoutez tous les jours. Bah dis donc Aurore, comment c'est possible ça? De venir d'arriver à trouver seulement maintenant comment nous écouter sur l'ordi. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'aller sur le site de Fun, cliquer sur Play, ou d'avoir l'application sur l'iPhone ou je sais pas quoi, sur un autre smartphone, peu importe. Il y a Cédric aussi qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit l'accent toulousain m'excite. Ah bah tu vois Camille, t'as déjà des fans là. Hein. Ouh là là, je l'attends lui. Ah bah tu m'étonnes. Bon, attends, il y a aussi Yann qui veut donner un petit avis aussi là. Salut Yann. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah tranquille, ouais, tranquillement Yann. Tu nous appelles pourquoi toi? Alors moi c'était pour dire à Valentin que voilà. Ah, Valentin, donc c'est l'auditeur qu'on vient d'avoir là qui disait que il avait envie, enfin il pensait à la sœur de sa copine quand il couchait avec sa copine, et donc il avait proposé de faire un bonjour à sa copine en espérant qu'elle écoute. Ouais. Et donc tu voulais taper un coup de gueule par rapport à lui, Yann, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors vas-y. Bah je voulais dire qu'en fait ça se fait pas. Enfin les filles, il faut les respecter tout ça. Oh toi tu fais ça uniquement pour que les meufs se disent oh putain quel oh il est cool, alors qu'en fait tu penses pas du tout ce que tu dis, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Non, non, c'est que je veux dire, c'est que, ouais, imaginez-vous, c'est la fille qui dit ça du mec. Enfin, voilà. Pas compris. Bah imagine en fait sa nana à lui, c'était Valentin, c'est ça? Ouais. Il se disait ouais qu'il se mette à la place de sa nana. Bien sûr. Sa nana lui dit ouais, je pense à ton frère quand je suis d'accord. Je suis d'accord, évidemment, qu'il va mal le vivre. Enfin, c'est en théorie, en tout cas. Attends, il y a Buddy aussi qui est là. Salut, Buddy. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, ça va tranquille, ouais. Alors toi, tu voulais carrément réagir à Quentin, qui lui avait lancé le sujet, en fait. Hein. Quand il couche avec sa copine, en fait, il se sent presque obligé de penser au fait que sa copine est en train de faire l'amour avec d'autres mecs pour l'exciter. Et toi, tu voulais dire quoi, Buddy? Bah ouais, c'est pareil, moi. À toi aussi? Ouais, moi, elle pense à mon meilleur ami. Ah parce qu'elle te l'a dit? Ouais mais c'est bon ça. Oh putain. Quand on fait l'amour, et ben je pense à ton meilleur ami. Et il s'appelle comment? Thibaut. Ah ouais c'est pas mal. Oh là là, mais mon dieu. Mais le club des potes. Qu'est-ce que t'as dit Camille, c'est quoi? Je dis faut qu'il monte le club des potes là. Le club des potes, oui c'est ça, ils vont commencer avec Buddy et Quentin, tiens. Mais et comment t'as réagi Buddy quand elle t'a dit ça? Ben mal, très mal. Ah sans blague. Ouais, Et du coup, ça choque au début en fait. Ah mais et pas la fin alors, c'est-à-dire que maintenant tu t'y es fait. Ouais, si ça me choque encore, mais voilà, c'est moins qu'avant. Ah moins qu'avant. Donc ça veut dire que là, quand t'es en train de faire l'amour à ta copine, tu sais qu'elle pense pas à toi quoi, qu'elle pense à l'autre et un pote à toi en l'occurrence. Elle pense à mon meilleur ami quoi. Oh c'est chaud. Et si elle le fait avec l'autre, elle pensera à toi? J'ai pas compris. Si elle le fait avec l'autre, elle pensera à toi? Ben je sais pas, faut que je lui demande. Ben fais le test. Ouais, c'est le test. C'est un truc de fou. T'as qu'à essayer quand tu lui fais l'amour, tu dis oh Virginia, ouais, c'est ça. Ouais. Mais attends, mais elle fait que penser, elle dit pas des noms, elle crie pas le nom de ton pote et tout ça. Non, elle fait que penser. Lol. Bon, enfin, même. Non, mais t'imagines, ouais. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Enfin, si ça arrive, alors imaginons que ma copine, effectivement, pense à quelqu'un d'autre. Bah qu'elle le pense à quelqu'un d'autre, mais qu'elle ferme sa gueule, tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas le savoir. Oui, imagine, elle pense à Toff. Oh putain, mais là, ce serait une cause de rupture, hein. Ah bah oui. T'as réagi à quoi, toi? T'as dit quoi après? Qui, moi? Ouais, t'as dit quoi, Buddy, je sais pas. Ah, Buddy, t'as dit quoi toi après? Je sais pas. Bah qu'elle arrête de penser quoi, qu'elle pense ah à bah moi. Oui. Bah déjà que c'est une fille, alors je bon. Je savais qu'il allait arriver. J'allais dire, ça m'étonne que Toff, j'ai pas eu le temps d'inspirer pour parler que déjà il allait démarrer là-dessus, c'était ah ouais, sûr. C'est ça, déjà qu'elle peut pas penser à grand chose. Ouais, c'est ça. Donc, qui parle alors, hein, c'est un déconné quoi. Bon, et donc du coup, Buddy, bah en fait là c'est fini, là, toi, tu continues, tu t'y es fait quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. Ok. Bah, il faut bien s'y faire, quoi. Oui, bah, il y a un moment, t'as pas le choix, hein. Il ouais. Y a un moment, faut s'y faire, on n'a pas le choix, effectivement. Bah, mais merci, Buddy et Yann, hein. Je veux dire une dédicace? Bah, de rien. Ah, bah, une seule personne, Valentin, vas-y. Ah, non, mais moi, c'est Buddy. Ah, Buddy, excuse-moi, il y a une seule personne, Buddy, sorry. Et dis bonjour à mon frère qui m'entend. Eh bah très bien. Eh bah le message est passé, Buddy. Je sais pas, non, t'aurais dû faire à ton meilleur pote quand même pour l'emmerder. Ah bah oui, à ton meilleur pote, ouais, pour le remercier d'exciter ta meuf. Ça aurait été pas mal ça, Buddy. Ça aurait été pas mal, très très très bien. Bon bah Buddy, je te souhaite une bonne soirée en tout cas, et bonne fin de week-end à l'écoute de Fun. Et n'oubliez pas, Yann et Buddy, là, pareil et Quentin, là, n'oubliez pas de prévenir vos potes, là, qu'on est là tous les soirs de 20h à 23h sur Fun. Hein. Voilà, d'accord, bah, justement. Eh bah voilà, bah le message est passé aussi, Valentin. Mickaël. Oui, Quentin. Justement, j'ai envoyé en fait un SMS à mon meilleur ami, ma meilleure amie, pour qu'ils écoutent Fun, pour qu'ils écoutent le sujet en même temps. Eh ben, tu fais bien. Mon meilleur ami m'a dit par SMS, est-ce que je suis dans les mecs qui niquent ta femme? ouais. Et ma meilleure amie, elle m'a dit, en fait, essaie des clubs échangistes juste pour aller observer, voir si ça t'excite comme ce que je pense, en fait, en le faisant l'amour. En fait, elle pense que les clubs échangistes pourraient m'aider à trouver mon problème, Ouais, mais le truc, c'est que si t'es hyper jaloux et que tu vois réellement ta meuf se faire démonter par un autre, tu vas pas kiffer. Hein. Ouais, c'est clair, il va vraiment pas kiffer non plus. Hein. Après, il faut que ta meuf ait envie de se taper un autre mec aussi. Hein. Oh, oui, aussi, accessoirement. Ça sent le vécu. Ouais, bien sûr. Ah, c'est clair. Et tu étais jaloux, Tof? Moi, jamais. Ah oui, c'est vrai. Au contraire, mais il est tellement barré dans sa tête que lui, il va kiffer ce genre de conneries. C'est juste un truc que je raconte comme ça. Dans un club échangiste, dans les règles, il y avait qu'il faut repartir avec la meuf avec qui t'es arrivé. Vous la laissez pas là parce qu'après, c'est pas quoi en faire, nous, hein. Vous reprenez vos effets personnels. C'est ça. Bon, Quentin, attends, est-ce qu'il y a Léa aussi qui voulait réagir? Bon, déjà à la bourre, hein. Pas parti fun, ne nous en voudra pas. Léa qui est avec nous de Lyon, là. Salut Léa. Oui, salut. Oui, salut. Comment ça va Lyon? Comment ça va Léa à Lyon? Ouais, ça va. Bon, alors toi, tu voulais réagir aussi par rapport à Quentin? En quelque sorte, ouais. Alors vas-y, dis-nous. Enfin, moi, mon histoire, c'est que voilà, je suis mariée il y a à peu près 3 ans. Et des fois, enfin, quand je suis au lit avec mon mari, je lui demande à qui tu penses. Et il me dit à mes ex. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh, c'est les bons, ceux-là. Mais franchement, moi, je suis avec ma meuf. Si elle me pose la question, même si je pense à quelqu'un d'autre, je lui dis pas. Enfin, ça se fait pas. Je pense à toi, ma chérie. À qui veux-tu d'autre? Mais non, mais enfin, tu vois, ça se fait pas quand même. Enfin, comme je l'ai dit, moi, si jamais ça devait arriver à ma meuf qu'elle pense à quelqu'un d'autre, ça se trouve c'est le cas, elle va savoir. Mais je veux pas le savoir, quoi. Non mais, tu vois, c'est pareil. C'est pareil, si elle me trompe. Mais ouais, pareil, si elle me trompe, qu'elle ferme sa gueule, quoi. Tant que je le sais pas, moi, je vais bien. Oh, je le vois bien. Ferme ta gueule. Mais non, mais c'est vrai, je veux pas le savoir. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, ça dépend des personnes, en fait. Enfin, je sais pas, mais moi. Toi, tu le vis comment, en fait? Plutôt bien, là, Léa. Qui pense à ses ex? Bah, moi, je le vis très bien. Très bien, on a divorcé, j'ai pris la moitié de sa fortune. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, c'est moi qui ai la fortune, en fait. Donc, Ah, d'accord, Léa. Mais écoute, justement, on devait passer à Lyon dans pas longtemps, là. Hein, vu que t'es blindé, on peut passer demain. Ouais. Combien mesures-tu, Léa? 1m62. Combien pèses-tu? On est pas au kilo près. 54, ouais. D'accord. Quel est ton tour de poitrine? 90D. C'est comme c'est grand. Voilà. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah ouais, ça va. C'est un très très bon parti, surtout s'il y a l'argent avec. Je te confirme, effectivement. Ouais, bon, j'ai eu un enfant il y a un an, donc je me suis un peu blindée, donc voilà. Ouais, non, mais après, t'as raison, Léa. Donc, du coup, mais il est con de penser à quelqu'un d'autre là, pendant qu'il est avec toi, là, t'as l'air plutôt bien. Ouais, mais bon, il fait la gueule de temps en temps. Mais le pire, c'est que une fois, il m'a dit, j'aimerais bien faire un truc à trois. Ah, d'accord. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. Il a fait connaissance à une fille sur Internet. Mais moi, ça m'a pas beaucoup plu parce que j'ai vu que... Enfin, j'ai cru que ça va... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après? Petit instant. Donc, tu as cru que... Quoi, t'as pas de tambour, toi? Il va y avoir beaucoup d'affinités, machin. Et après, je lui dis, voilà, c'est moi qui va te la présenter, là. Mais si tu veux baiser quelqu'un, voilà. Ah, d'accord, t'es d'accord de faire un plan 3, mais c'est toi qui fais venir la fille. Oh, t'as raison, note. Hein. Ça sent la meuf qui veut prendre une fille moins belle qu'elle. Voilà, ouais, ça aussi. C'est un gros cachot, là. Tu vois, finalement, c'était pas une bonne idée, là. Hein, c'est pas une bonne idée. Bon, ben, bah, merci en tout cas, Léa, d'être passée, hein. Ah, de rien. Et puis tu reviens quand tu veux, je t'embrasse, à bientôt. Léa. Je te prends au standard. Oui, Léa. C'est ça, oui, c'est sûr. Salut Léa, gros bisous. Désolé aussi, la Magali, là, on n'a même pas le temps de te prendre, Magali, mais si tu veux, on peut te reprendre demain, il n'y a pas de problème. Camille, es-tu une habituée? Je ne sais pas trop si je serai là demain. Ah, bah écoute, on va voir, Camille. En tout cas, on va quand même te filer une compile Starflore. Ouais, Non, c'était Magali, pas Camille. Oui, mais c'est parce que tu voulais réagir à Camille, autant pour moi. Magali, on va quand même te filer une copie de Starfloor, d'accord? D'accord, merci. Gros bisous, Magali. Et puis Quentin, ben merci de passer. Camille aussi, gros bisous à vous deux. Ben, de rien. Gros bisous. Oui, Quentin. Voilà, je vais quand même faire une petite. Ah bah une seule personne, hein, choisis la bonne personne. Hein. Ouais, mais justement, moi je reste pour ma copine en fait, malgré qu'elle soit en Espagne en vacances. Je voulais dire que je l'aime énormément et que je pense à elle. D'accord, bah elle pense pas à toi parce qu'elle est en train de se taper tous les Espagnols là, donc et tous les vacanciers là, les Allemands, tout ça qui sont à Costa Brava là. Il avait mis à faire une déprime. C'est pour rire, Quentin. Non, c'est très bien. Ah bon, ça marche. Bon, ben le message est passé, Quentin. Passe une bonne soirée, en tout cas. Merci beaucoup. Et à bientôt. Pour ton gentil accueil au standard. Et puis, il y a moyen d'avoir aussi une petite compil ou pas? Eh ben, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Il n'y a pas de souci. On va te filer la compil Starfloor. Salut, Quentin. Merci. Allez, bon courage. Ciao à toi. Et puis, ben, Camille, mais gros bisous aussi. Gros bisous. Et vous ferez un bisou à JB? Oui, bien sûr, sans problème. Bah, pas moi, mais Adrien va s'en charger. Parce que là, attention, on va dormir. Bon, il va comprendre. Allez. D'accord, il va comprendre. Ouais. Pas de problème. Nous passons le message. Le message est passé. Voilà. Bien. Salut, Camille. Bisous, les gars. Allez, ciao à toi, bisous. Camille. Bon, ben, merci aussi à tous ceux d'avoir, je vais recommencer. Merci à tous ceux qui ont été là, ce soir. Ça fait bien plaisir de vous avoir avec nous tous les soirs, là. Thibaut, notamment, qui dit encore une super soirée, des grosses barres. À demain, la team. Ben, merci à toi, Thibaut, et à demain. Et petit bonhomme vert aussi qui dit, vous êtes juste énorme. Des barres de rire avec vous. Continuez comme ça. Merci, en tout cas. C'est bien gentil. Et puis, tous les messages aussi qui sont passés. Alors, je peux pas tous les citer, mais en tout cas, quelques-uns comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ce soir? Ah voilà. Alors, il y avait notamment Mimi qui était là, il y avait Olivier, il y avait Martin, Fabiano, Audrey, Logan, Anthony, Sullivan, Maud également, Aurélien, Boris, Alicia, Aurélie encore une autre, Lucas également, Paul, Mathieu, etc. etc. Il y a les photos de tous les mignons, hein, notamment celle de Sandro, là, que je viens de mettre maintenant sur le Facebook, avec le chat également, la vidéo du chat, allez partager, allez voir si vous n'avez pas encore été dessus, là, facebook.com/MIKLOfficiel, merci à ceux qui étaient connectés sur le Twitter ce soir. Vous avez été encore une fois bien nombreux là, donc tant mieux, ça fait plaisir. Merci à Ben également, il y avait Fossé Fanny, Wendy, Juju, Clara, Chris comme d'habitude, Let's Be Freaks, les habitués, il y a David là qui vient d'arriver. Salut David Dadoun, il y a également où est-ce qu'il est celui-là? Clara, je l'avais déjà dit, il y avait Denis aussi, bien sûr, le Marsu qui était là aussi, Wake Me Up qui vient de débarquer aussi. Bah salut à toi Wake Me Up. Et puis tous les autres, tous les nouveaux qui sont là présents bien évidemment comme chaque soir. Merci à vous en tout cas d'être passés. Et puis on va se quitter dans un instant. Party Fun, à demain tout le monde. Ciao. Salut. Allez, à demain à partir de 20h, on sera de retour sur Fun Radio. Prévenez vos potes et en attendant, on discute ensemble évidemment sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter MIKL officiel. À demain. Ciao. Prenez le contrôle. Facebook MIKL officiel. Exactement. Et puis dans un instant, c'est Adrien. Yes. À 23h quoi. Bon, on n'est pas dans le détail. J'ai l'impression, les gars, que vous prenez un peu plus d'aise de jour en jour. Mais hein. t'as remarqué, il y a deux semaines, on est arrivé, on a fini à 23h tout pile. C'est ça. Puis 23h01. Puis si mes souvenirs sont bons, on a fait les gentils, on s'est dit, allez, 22h59, ouais, tu vois, ça. Pour rattraper. Et là, maintenant, c'est de pire en pire. Hein. Bientôt, finir à minuit, ça va être le drame. Enfin, le drame. Bon, au final, après, tout se passe bien. De toute façon, je m'en fous, moi, j'ai pas peur des connes hein, qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, quand même, il a refait la muscu, là, il y a pas longtemps. C'est pas parce qu'il a un petit peu de pec, il est sérieux, lui. J'en ai rien à foutre, moi. Qu'est-ce qu'il y a, quand même, ici? Pas de problème, moi. De toute façon, j'ai mes bodyguards, là, Toff et Polo. Ouais, c'est t'inquiète, on va en faire qu'une bouchée, les gars. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Polo, bon, ben voilà. Adrien est parti fun jusqu'à 6h du mat. Ouais, je prendrai les platines à 1h. Et puis là, c'est Econ comme tous les dimanches. Bah, DJ voilà. Résident, 23h01. Ouais, c'est ça. 23h08. 23h08, 1h, effectivement, ouais. Bon, ben bonne nuit plutôt, hein. Yes, bonne nuit à l'écoute de fun. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et parti fun, là, jusqu'à 6h du mat. Ouais. Avec plein de bons sons. Et puis, Adrien à partir d'1h. Exactement. Allez, bonne nuit tout le monde, il rencard demain 20h. Salut. Salut. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le son. Fun Radio.